Chacun vient, même lui aussi. Donc vous avez déjà les places ici. Chacun, même celui-ci, vous voyez, il s'insère au milieu. Frère Jimmy, lui aussi, la sueur coule, il est toujours là-bas au milieu. Ouais, mes frères. Ouais. Même celui-ci, vous voyez, chacun cherche seulement sa place. Toi également, tu es seulement là, en train de parler au balcon, ici, je suis en train de venir. Ça va? Que le Seigneur, frère Amadou. Toi également, tu m'as créé beaucoup de troubles et Dieu t'a amené ici aujourd'hui. Vous voyez comment le Seigneur fait. Il y a l'autre frère là. Lui aussi, il tente de. Mais Dieu connaît le travail que tu as envie de faire, d'accord? Petit à petit, ça va aller. Il ne parle pas de quelque chose ici. Eh, hey, mon frère Amadou, tu es mon frère, non? Donc, ne crains pas. Il y a des choses entre nous. Tu comprends, non? Eh, hey, frère. Mon frère baisse la tête comme ça parce qu'il sait ce qu'il en est. Mais ce qui est bon. comme il est là aujourd'hui, c'est que même s'il y a n'importe quoi, souvenez-vous de ce que nous avons vu ici, lorsqu'on voyant les obstacles, autant les obstacles de nos vies, quand vous avez des problèmes avec le Seigneur, ne fuyez pas le Seigneur. Courez vers lui. Donc la position qu'il a prise est bonne, n'est-ce pas, frère Amadou? C'est bon. Quand vous avez des problèmes avec le Seigneur, vous avez n'importe quel, si c'est le péché, courez vers le Seigneur. N'allez pas hors du Seigneur, ne quittez pas le Seigneur. Donc comment vous vous sentez? Je suis ravi de vous retrouver encore après ce moment. C'est que beaucoup d'entre vous savez déjà, parce que vous avez des téléphones sans fil. Vous savez très bien que je n'étais pas ici dans la ville, nous étions à Bafoussam. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Hein, frère? Je suis encore venu ici dans le courant. Hein, frère? Mais c'est pas curieux, ça. Donc nous étions quelque part pour la gloire du Seigneur. Et j'espère que par derrière également, le Seigneur vous a bien dirigé. N'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si tout le monde est là avant qu'il commence avec les instructions. Donc, nous allons continuer dans le jeûne. Dans le jeûne, la série que nous avons commencé. Souvenez-vous, je vous avais dit que ce sera un long, mais je ne sais pas quand, comment ça va aller. N'est-ce pas, frère? Vous êtes content ou bien vous dites encore que je suis encore venu? Vous êtes vraiment content. Donc, attendons, il y a encore des gens qui sont en train d'arriver. Donc, attendons que 5 ou 6 personnes, les 4 ou 5 ou 6 personnes qui sont encore là arrivent. Avant qu'ils donnent, parce qu'il faut que chacun dise ce qu'il a entendu. Vous savez, c'est une chose que de dire une chose. Vous entendez ici, quelqu'un sort là aux escaliers. Qu'est-ce que le frère Junior a dit? Vous êtes surpris que ce qu'il a raconté à celui-là, c'est parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Mais vous montez ou descendez, on ne peut pas faire autrement. L'être humain est comme ça. Donc, on doit se supporter comme ça. Sinon, vous allez bien, n'est-ce pas? Regarde quelqu'un encore. Vous savez, c'est l'histoire encore là. Regarde quelqu'un et dit, mon frère, est-ce que tu m'aimes? Non, je n'ai pas demandé que vous riez. J'ai demandé que vous posiez des questions si vous vous aimez. Vous avez dit tout à l'heure dans ces cantines, vous avez chanté, vous avez dit, laissez-moi mes frères, comment ne pas l'aimer? C'est pas ça? Lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Toute ma vie entière, au service du péché, sans rien pour lui plaire, méritait l'enfer. Oh, laissez-moi mes frères, comment ne pas l'aimer? C'est parce que nous savons chanter dans ces cantiques. Donc on dit que en observant notre état maintenant, le salut qu'il nous a accordé, et en regardant ce qui s'est passé derrière, où nous, avec le style de vie que nous menions, là où ça nous entraînerait à la fin, nous rendons seulement grâce à Dieu en disant, oh, je n'ai qu'une chose à faire, l'aimer. Et bien dans ce cas, il a dit que si on l'aime, qu'on garde ses commandements. Et il dit, voici le commandement que je vous laisse, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas, frère? Donc, patientons que les autres viennent pour qu'on puisse parler. Mais avant, lorsque la période où nous étions dans le jeûne, pour vous qui avez été là, j'ai parlé de quelque chose qui a laissé passer. J'ai parlé pour le pays, ça en est terminé. J'avais dit certaines choses, je veux que vous gardez bien à l'esprit. Si vous notez, notez. Si vous enregistrez, enregistrez. J'avais parlé de quelque chose ici, de la boutique, dans les supermarchés, que quelque chose s'est passé, et puis je suis passé là-dessus. Puis la deuxième fois, je suis venu ici, j'ai dit, tenté de dire que, donc la fois où je suis venu, nous étions de congé dans l'enseignement. J'ai dit, lorsque ces choses-ci sortaient, parce qu'ils étaient sous la pression, j'ai dit, voici, j'ai vu quelque chose s'est passé dans le supermarché, les gens fuyaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai dit, ce n'était pas l'explosion. C'est ça que j'avais dit, n'est-ce pas? Mais dans ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, c'est le feu, n'est-ce pas, frère? Je n'étais pas dans cette vie, c'est qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous avez combien de boutiques à pris feu? Environ 9. La question c'est, pourquoi Dieu déclare cette chose que, ok, maintenant, ceci s'est passé. Ça, c'est le feu maintenant qui est en train d'arriver. Et ceci, ce sera terrible. Combien de boutiques ont brûlé comme ça? Ça n'a pas fait 3 semaines. L'autre, ça n'a pas fait 3 semaines. Et maintenant, si on dit maintenant que voici l'eau dans les maisons, qu'est-ce que vous en dites? Et souvenez-vous, dans ce jour-là, j'avais dit, lorsque vous allez entendre que certaines personnes sont allées au bord de l'eau, quelque chose est arrivé à l'eau et que les corps, c'est ça? Vous vous souvenez de cela? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je ne sais pas où vous pouvez qu'on parle aujourd'hui, ce soir-ci, sans que vous ne dérangez comme ça. Donc, gardez-vous à l'esprit que nous sommes en train d'aller quelque part. Quelque chose, le Seigneur est à l'œuvre en train de faire quelque chose. Je vous avais dit ça, c'est ici de la boutique, ces choses qui sont arrivées, c'est le signe qu'il y a la malédiction. Les gens invoquent les dieux étrangers dans les boutiques. Ils utilisent des totems pour vendre, pour faire des choses, pour garder. C'est ce que j'avais dit. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Pourquoi ça a brûlé? Maintenant, observez ceci. Je ne sais pas si vous savez cela, les marchés qui ont brûlé. Observez maintenant les constructions qui y seront. C'est-à-dire que, ok, maintenant, la construction était d'une certaine façon. Ça a pris feu. Maintenant, observez les constructions qui vont aller pour savoir de quoi il est question. Vous suivez? Donc, ce qu'il peut dire maintenant par rapport à notre pays, c'est... Bon, pour les autres, là, c'est déjà dit. Catastrophe aérienne. Catastrophe aérienne. Donc cette fois-ci, il faut que, pendant que vous priez, c'est prier pour la catastrophe aérienne. L'avion que j'ai vu n'est pas la compagnie des Camerounais. Ça, c'est un campagnon étranger. Je l'ai vu atterrir là-bas quelque part. Et ceci, j'ai vu le pilote faire quelque chose. Donc ici, c'est l'erreur du pilote. L'erreur du pilote. Et j'ai vu un style d'avion d'abord qui est passé. Mais cet avion-ci n'a pas de problème. Ce style d'avion, j'ai remarqué dans cette vision, j'ai regardé que, mais attends, je n'ai pas encore vu ce style d'avion au Cameroun. Le style d'avion, c'était le bec, le bout là, l'extrémité était vraiment pointu comme pour un oiseau. Donc, j'ai dit, mais attends, je n'ai pas encore vu ceci ici. Quand c'est passé, j'ai regardé l'autre maintenant. L'autre là, il y a eu catastrophe, il y a eu crash. Et pendant que le crash était là, j'étais en train de regarder, c'est le pilote qui a le problème. Le pilote qui est à l'intérieur. Donc prions. Il faut qu'on prie. Gardez ceci à prier chaque fois quand vous priez. Que Dieu sauve ces villes-là. Qu'il garde ces villes-là pour eux. Je vais dire, maintenant on peut dire qu'il est sorcier. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est qu'il est prophète. Il ne fait que voir le malheur. On peut dire ce qu'on peut dire. Mais c'est encore moins grave que vous aurez des tribulations. J'ai vu un grand truc qui est descendu du ciel et frappé sur la terre. Les gens ont commencé à boire le sang. Ça, c'est l'autre là, ma part plus grave est plus petit que celui-là, pas vrai? Tu voulais parler, frère? Viens pas ici. Tu te caches là-bas, tu parles. Tu voulais parler parce que par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à ce que tu as dit là. Oui. Parce qu'on a organisé des séries de prières. Frère, parle à haute voix. Tu commences parce qu'on a organisé des séries de prières. Parce qu'on a organisé des séries de prières là-bas à la maison chaque soir. Oui. Et l'un de nos frères, il n'est pas encore là. Non, c'est ce que tu parles. Laisse-le. Il est en train de le frère, l'un de nos frères n'est pas encore là. Oui. Bon, une nuit, il m'a dit ceci que c'est pendant qu'il dormait. Qui? Le frère. Oui, ok. Pendant qu'il dormait, il s'est retrouvé chez eux. Maintenant, avec la vie de militaire maintenant. Oui. Maintenant, il partait donc vers l'aéroport. Oui. Il y avait les grands titres. Bon, les Barack Obama étaient là. Les grands Barack Obama étaient là. Oui. Et les grands présidents étaient là, réunis. Mais comme s'il y avait deuil. Oui. Ils étaient tous là. Mais il était réuni dans une salle. Dans une salle. Mm-hmm. Il a jeté un peu ses coudes pour regarder. Mm-hmm. Il a vu les grands titres. Mm-hmm. Mais la chose qu'il a donnée, c'est qu'après maintenant, on les a laissés hors des alentours, se balader. Subitement, il a vu l'avion passer au ciel. Puisqu'il se mettait à regarder, il a vu que ce n'était pas l'avion camerounais. Mm-hmm. Maintenant, quand ils ont regardé, après, il m'a dit, ah, ça, ce ne sont pas les avions camerounais. Directement, là, lâché une bombe. Mm-hmm. La bombe descendait comme ça, là, et ça s'est explosé, et ça allait projeter. Subitement, une grande lumière est sortie derrière lui, pointée comme ça. Alors, ça s'est tourné. Il a fait l'effort, quoi, pour se tourner pour regarder un papier. La grande lumière est sortie derrière lui. Derrière lui, oui. Merci, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez dans la prière. Souvenez-vous, chaque fois qu'il dit, il ne dit pas que vous priez seulement ici, il dit que vous priez. Que vous priez, c'est votre responsabilité en tant que chrétien, c'est notre responsabilité. Souvenez-vous que la prière, ce n'est pas que lorsque nous rassemblons ici. Souvenez-vous, depuis des années, ou quoi, 3 ou 6 mois, vous avez dit que priez pour vos enfants ici, n'est-ce pas? Combien de fois ai-je dit cela ici? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Que priez pour les enfants. Priez pour vos enfants, priez pour vos enfants, n'est-ce pas, frère? Ok. Donc, souvenez-vous de cela. Si vous voulez vous rentrer, vous croyez peut-être que votre vie spirituelle, c'est quelqu'un qui doit suivre. Vous êtes responsable devant le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler là-dedans. N'est-ce pas, frère? Donc, ces choses-ci, quand Dieu montre, la question c'est pourquoi montre-t-il ces choses? Pour ce qu'on est en train de tramer, pour ce que le politique est en train de faire derrière, pour ce qu'on est en train de tramer, ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est que chacun soit prêt avec le Seigneur, que ce soit n'importe quoi. Je vous ai dit que pour le Cameroun, c'est réglé, je ne parlerai plus. Je vous avais dit ça, n'est-ce pas, frère? Hein, frère? Amen. Voilà. Bon, pour certaines d'autres choses qui concernent des individus, certains d'entre vous ici, et de certaines situations, ma femme a noté, je lui ai dit, écris cette date-ci. Écris cette date-ci, écris ces événements, écris cette personne, c'est écrit. Car ceci va s'accomplir. Pour certains d'entre vous, pour certaines personnes même, ils ne savent pas, attends, regardez ces choses-là. Oui, pour certaines personnes qui ne sont même pas d'ici. C'est écrit dans le cahier. C'est écrit noir et blanc. Vous savez, ma femme dit souvent qu'il faut qu'ils prennent les anciens cahiers de tout ce que tu avais dit là pour regarder ce qui a accompli. Il dit, observe, regarde. Il dit, écrit. Il dit, écrit. Donc, certaines personnes, on travaille, les gens sont en train de croire, peut-être qu'on a de faire que c'est le jeu qu'on a de faire, ou croire peut-être que je prends mes pensées pour venir communiquer ici. Nous nous assemblons ici, ici. En quel nom nous nous assemblons? Au nom du Seigneur Jésus, autour de la parole, et vous connaissez qu'il est là. Je demande si vous connaissez ce qu'il est là. Vous dites amène là par réflexe ou bien vous savez d'une certitude sur qu'il est là. Vous savez qu'il est là, frère. Et comment tu peux venir dans la prière, tu viens de regarder pour le balcon. Ou bien tu pries pour lui aussi là-bas. Donc certaines choses sont écrites. D'autres même, j'ai fait écrire cela aux gens de l'étranger. Certaines personnes de l'étranger, j'ai dit qu'écris telle chose. Comme il y a mon adresse là, la communication que toi et moi nous avons eue, il y a mon nom, le jour, l'heure avec laquelle ce que tu as dit, ce que j'ai dit, regarde. Quand ceci va arriver, quand ces choses vont arriver, publie sur Facebook que je te l'avais dit cela. Parce que ça arrivera. Vous savez, c'est ici là qu'on va reconnaître ce qu'il en est. Vous savez, il y a ton écriture, il y a ton enregistrement. Ça arrivera, ceci arrivera. Et on saura effectivement ce qu'il en est. Quand tu penses, quand ça sera comme ça, et publie ceci. Pour que les gens sachent que c'est juste, voici ce qui se tramène depuis. Voici ce qui s'est caché depuis. Pourquoi les gens s'assoient dehors alors qu'il y a des places ici? Tu commences là, tu vas sortir. Donc tu commences, tu vas sortir. Donc ne t'amuse pas là. Il dit, tu commences là, tu vas sortir. Ne crée pas de problème à ta maman. Il y a des femmes là dedans. Frère Sam, tu ne t'assois pas ici. Tu ne veux pas qu'on te voit. Tu veux toujours être dehors. Frère, alors que tu es frère comme ça. Tu aimes le dehors. Non, viens, tu me seras et tu sais, viens pas ici, frère. Il te regarde dans les yeux. Donc, vous avez chanté ce cantique que laisse-moi mes frères. Comment ne pas le frère Sam, vient. Tu as trop chaud. Tu es chaud plus que qui vient ici là. Il fait que je. Ceux qui sont à l'intérieur, ils ont la climatisation ici. C'est mon frère là-bas. Hein. On a cru pratiquement la même année. On jeûnait ensemble, lui. On buvait le tapioca ensemble. Quand on avait 150, on partageait ensemble. Comme là où j'habitais, comme on n'aimait pas trop les choses de Dieu, quand j'attendais quand les gens étaient sortis, je courais comme ça, comme ça là. Venez. On y vient ensemble, on en a mis, on dit mangeons vite, on part. Il mange, il veut que sortir, il va y sortir. On était obligé de faire comme ça, n'est-ce pas, frère Sam? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc, que le Seigneur vous bénisse vraiment ce soir. Je ne sais pas s'il peut commencer, mais il y a encore des gens qui sont là, mais je veux commencer maintenant. Donc, je vais commencer par les instructions concernant le travail que nous avons fait. Souvenez-vous de ce qu'on a fait, d'accord? De ce qu'on a fait, la première période que nous avons eu à travailler, d'accord? Notez le livre d'Isaïe. Notez le livre d'Isaïe comme instruction. Ça, c'est ce qui est bien ce soir, parce que par la suite, on va toucher ce qui est mauvais. Par la suite, on va toucher ce qui est mauvais. Donc, puisse le Seigneur garder vos cœurs. Donc, notez, suivez très attentivement pour ne pas mécomprendre ce que je suis en train de dire. Notez le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Vous avez noté, frère? Notez ensuite le psaume 103. Notez le livre d'Ésaïe. Le psaume 103. Le psaume 103. Le livre d'Ésaïe. Le psaume 103, vous avez noté? Je J'ai comme l'impression qu'il parle français. J'ai dit le livre d'Ésaïe. S'il y a un verset, vous n'avez pas besoin de me demander, je vais vous donner le verset. S'il y a un passé, je vais vous donner. Quand il dit le livre d'Ésaïe, c'est tout le livre d'Ésaïe. Le psaume 103. Vous avez noté? Le livre des Colossiens et 1 Pierre. Donc, j'ai dit Ésaïe, le psaume 103, Colossiens et 1 Pierre. Ça fait combien? 4. Dans le psaume, c'est seulement le psaume 103. Tout le livre d'Ésaïe, tout le livre des Colossiens, tout le livre de 1 Pierre. C'est ce que j'ai bien dit, nos frères? Ok. Donc, lorsque le 20 mai sera terminé, le 21 commence encore avec 21 jours de jeûne. D'accord, mes frères? Voilà. Donc, lorsque le 20 mai va commencer, on va finir. C'est-à-dire que le 20, donc, on commence le prochain, les prochains 21 jours de jeûne à partir du 21. Mais les conducteurs et moi, c'est 30 jours. Les conducteurs et moi, c'est 30 jours. Les conducteurs n'ont pas 21 jours, c'est 30 jours, eux et moi. Et les dernières semaines, on va se rencontrer pour prier. La dernière semaine, tu les conseilles. Et moi, on va se rencontrer pour prier. Les conducteurs. Courage des camps. Hein? Courage. On va se rencontrer pour prier. Il dit les conducteurs. Il dit la dernière semaine. Juste ici, il n'y a pas de question, non? Il dit juste ici, ça se comprend ce qu'il dit. 21 jours, on va commencer à partir du 21. C'est la même chose. Durant ce moment du 21, donc voilà les livres, vous lisez avec ces livres-là, vous laissez prier par le Saint-Esprit. D'accord? D'accord, mes frères? Je ne sais pas comment je vais faire avec vous. D'accord, les gens te regardent comme ça, comme... Non, laissez-moi d'abord parler, vous êtes formidable. D'accord, les gens vous regardent comme ça, comme le poteau. Vous dites, d'accord, mes frères, quelqu'un te regarde comme ça. Mais quand on va commencer à partager la bouille, là, vous entendez, c'est grave, donne-moi de l'eau. Si c'est la voix va sortir. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Dès que le 20 mai finit, le 21, le lendemain, là, vous entamez avec le jeûne, n'est-ce pas? Ça fait 21 jours. Pour nous, les conducteurs, c'est 30. Donc, quand les gens auront fini 21, on va continuer encore, je crois que 9 jours. D'accord? Et la dernière semaine, donc, avec le conducteur, je vais les rencontrer pour prier. Je vais les préciser cela. D'accord, frère? Voilà. Maintenant, fixez-vous vous-même les heures de prière personnelles. Disciplinez-vous dans la vie de prière. Disciplinez-vous dans la vie de prière durant ce moment-ci. Si vous prenez le temps de prier, c'est le temps de prier comme si, regardez bien, je vais vous expliquer. Le 21 commence, par exemple le 22 ou bien le 23. Vous dites, ce jour-ci, on a dit qu'on jeûne. Vous arrêtez seulement de manger et vous faites votre train quotidien sans avoir de moment où vous consacrez pour la prière, ça ne vous servirait de rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne cessez pas de faire vos activités, mais ayez un temps consacré ou des temps consacrés pour la prière de façon spécifique. Durant ce moment-là, éteignez vos téléphones pour être en communion avec le Seigneur, pour que quelque chose ne vous dérange pas. Durant ce moment-là, trouvez de l'intimité avec le Seigneur pour que quelque chose ne vous dérange pas. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc maintenant, ça veut dire que les heures et la régulation des prières, c'est à votre guise. À votre guise. Si vous jugez que vous allez prier 3 fois par jour, souvenez-vous, ce que vous allez commencer, terminer avec. Ne commencez pas en disant que je vais prier 2 fois par jour, un jour, je dis, non, le Seigneur va comprendre que j'ai trop travaillé aujourd'hui. Fixez ce qui est à votre guise. Donc avant de commencer, nous sommes le quantième, je dis, nous sommes le 4 mai. Donc vous avez jusqu'à peut-être 16 jours pour vous préparer. Commencez à regarder ce qui peut vous déranger, ce qui peut être un pioche d'achoppement préparé. Souvenez-vous encore de ceci. Le but pour lequel on entre dans le jeûne, dans Ésaïe 59, le Seigneur dit que c'est un jour qui est agréable au Seigneur. Un jour où l'homme fait entendre sa voix. Il dit que ce jour-là, on se livre dans nos penchants. Ça, c'est l'ancien alliance. On devrait se livrer dans le penchant. Maintenant, nous marchons et nous sommes censés marcher dans la sainteté. Autrement dit, on ne doit pas avoir de penchant. On va faire pendant le jeûne, on ne doit pas faire. Puis, on va sortir du jeûne. Le but pour lequel on est dans la jeûne, c'est pour la vie de piété. Pour que cette vie-là se manifeste davantage. Et que sa présence soit effective en nous. Vous cessez, n'est-ce pas? Ok. Donc, le choix, le temps de prière, le moment de qualité de prière est à votre guise. Ce livre-là va vous conduire. D'accord, mes frères et sœurs? J'espère que quelqu'un ne doit pas venir dire qu'il n'a pas saisi ce qu'il dit. Mais les conducteurs, c'est jusqu'au 30. Donc, non, pas jusqu'au 30. Juste pendant 30 jours. Alors que nous, les autres, c'est 21 jours. Les conducteurs, y compris toi, frère, la gloire. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va remarquer avec les jours-là qui sont entre dedans comme ça. Mais soyez sérieux, sachant que c'est votre vie spirituelle. Vous ne gênez pas pour quelqu'un. Vous ne gênez pas pour quelqu'un. C'est pour votre vie spirituelle au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous avais dit que quand on va finir ces 21 jours de jeûne, faites attention de ne pas lâcher. Parce que si vous lâchez, vous commencez à vous embrasser avec la nourriture. Vous êtes encore régulier, ce sera difficile que vous entamez l'autre. Mais Dieu merci qu'il ait dit, décidez que ce soit loin, que vous soyez prévenu pour vous préparer. D'accord. Toutes les personnes avec qui nous avons voyagé, nous avons passé tout le temps là-bas, de l'autre côté là-bas, à jeûne. Et Dieu sait ce qu'il fait. Donc que Dieu vous bénisse. Et pour votre vie personnelle, tout ce que vous faites, aucune chose que vous faites de façon spirituelle. Oui. Pendant ces 21 jours, c'est chaque fois qu'il m'a donné un temps de prière personnel. Il lui a dit un ou des. C'est ce qu'il dit. Il faut citer mes paroles. Un ou temps. Parce que tu as sorti, il a dit donne-toi un temps de prière. Si je sais que je peux prier 9h, 12h, 15h, minuit, je fixe ces heures-là. Durant ces moments, je ferme mon téléphone, je trouve un moment, un lieu où personne ne peut m'aider. Même s'il y a quoi, je ne quitte pas ce moment-là. Parce que souvenez-vous, c'est ces moments-là que Satan attaque. D'accord? Ce moment-là, c'est mon moment de. Quand il est fini, je peux continuer autre chose qu'il y a à faire, mais tant toujours à jeûne. D'accord? Ça veut dire, ceux qui sont en les activités, parlez un peu. Vous pouvez faire vos activités. Okay. Tu fais par exemple, comme tu conduis la voiture, supposons que tu conduis la voiture, tu dis par exemple qu'à 18h, tu dois prier. Et que tu vois les clients dehors. À 18, c'est 18h là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc, et si vous n'avez que ce que vous ne faites pas pour quelqu'un, c'est votre propre vie spirituelle. Il se pourrait qu'un de ces moments, on ne se réunit plus comme ça, ou bien on ne se voit plus. Que Dieu vous envoie au tel endroit, ou Dieu envoie telle personne à tel endroit. Vous devez être capable de mener une vie spirituelle parce que vous avez votre Bible, vous connaissez qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas quelqu'un qui va venir vous faire dire que marcher avec le Seigneur ou bien ne pas marcher avec le Seigneur. D'accord? Voilà. Ici, il n'y a pas de questions maintenant, on peut commencer la soirée. Frère Olivier, viens t'asseoir ici. Comme ça, tu vas bien voir ta femme en face. Ce sera comme ça, non? C'est bon comme ça. Oui, c'est bon comme ça. Oui. Ma sœur, te dit. C'est sa femme qui doit s'asseoir là-bas. Oh. Hein, ma sœur? Bon. La femme de l'autre, va là-bas. Ça va, frère, la gloire? Lorsque vous fixez quelqu'un, regardez-vous un peu, regardez vos voisinages, regardez quelqu'un, on voit. Regardez. Lorsque vous fixez quelqu'un comme ça, est-ce que vous pouvez savoir si oui ou non vous aimez la personne? Toi, tu regardes juste ton voisin. Regarde-le. Regardez-vous. Je voulais dire, en regardant quelqu'un, est-ce que vous pouvez savoir si oui ou non vous aimez la personne? Vous pouvez savoir, vous voulez dire, vous pouvez ressentir que vous aimez cette personne. Parce que si il dit là, dis à ton voisin que je t'aime, qu'est-ce que tu vas dire? Par réflexe, non? Je vais dire maintenant, comme vous avez regardé seulement, est-ce que vraiment vous aimez? Vous aimez parce que vous êtes calme comme ça, ou bien c'est parce que vous aimez parce que Dieu a dit? Ok, maintenant, quelle est la condition pour que vous ne l'aimez plus? Quelle est la condition pour que vous ne l'aimez plus? Les personnes que vous avez regardées. Donc, si désobéi, tu ne l'aimes plus. Évangéliste. Donc, ça dit quoi, frère Sam? Ça dit que s'il n'est pas même pas m'aimer, je ne peux ne plus aimer quelqu'un. Regarde celui chez toi. Je te dis ce qu'il a dit de toi. Comme tu dis, regarde, je te dis ce qu'il a dit de toi avant qu'on entre ici. Hein? Tu me promets que c'était dit. Tu vas toujours l'aimer. Comment tu bouges là les épaules? Comment tu bouges encore les épaules maintenant? Si tu veux, je te dis, mais à condition, tu me réponds d'abord, c'est de dire ce que le frère a dit de toi. Est-ce que tu vas toujours continuer à l'aimer sans hypocrisie? Non, non, est-ce que c'est ainsi? C'est une question qui est directe devant toi. Voilà l'écriture devant toi. C'est ici. La question est claire. Voici le frère à côté de toi. Si tu dis oui, j'ai dit. Il dit que si il dit, est-ce que tu vas toujours continuer à l'aimer de la façon que Dieu a demandé de l'aimer? Ça ne serait pas facile. Voilà. Qui est d'accord avec lui? Tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'il vient de dire, levez la main. C'est-à-dire que normalement, en tant qu'être humain, ce n'est pas évident de comprendre que quelqu'un a dit quelque chose de toi et que tu aimes la personne de la bonne façon, de la même façon. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes d'accord? Levez seulement la main. Ok, ça veut dire que quelqu'un n'est pas d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord. Il dit qu'il est d'accord. Mais on dit lève la main. Il n'a pas levé la main. Il dit que j'ai des gens ici. Celui qui n'est pas d'accord, lève la main. Bon, je vais dire ceci. Il y a le caractère qui est imbibé dans l'être humain. Les caractères qui sont dans l'être humain. C'est en cela, c'est dans ce caractère-là qui ne glorifie pas Dieu que Dieu entre par le Saint-Esprit, il déconstruit. C'est ce caractère-ci, c'est-à-dire que normalement, si tu étais mondain, on te fait quelque chose, tu veux réagir d'une certaine façon, ou bien taper sur quelqu'un, il y avait une réaction Dieu. Mais comme tu es en Christ, tu ne le fais pas. Je vais vous dire encore ce que j'ai dit plusieurs fois dans l'enseignement. Si tu ne fais pas parce que tu dis que, avant de dire que, je suis chrétien, avant de faire va, vous avez un problème. Ça se trouve à l'intérieur. Mieux tu te gâtes avant de dire Seigneur, vrai. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a un problème. Je vais vous expliquer ces choses. Pourquoi nous allions quand nous allons devant le Seigneur, que vous compreniez quels sont les véritables problèmes que nous faisons face. Frère, ne sois pas déconcentré. Lorsque vous avez, j'ai dit ces choses avec la cigarette, avec l'alcool, ainsi de suite. Si quelqu'un de fumeur à côté de toi, que tu es un ancien fumeur, tu dis que le LB n'est pas bien, le LB n'est pas bien, et que à l'intérieur tu veux fumer, on te dit que je suis chrétien. Je jette ma main au nom de Jésus. C'est que tu es en train de vouloir te convaincre que tu ne fumes plus. Mais si le Seigneur enlève le désir là, non pas le désir, l'envie de fumer, tu vas regarder la cigarette. Tu seras seul dans des pièces. On va mettre l'allumette là-bas, la cigarette. Tu ne fumeras pas. Parce qu'il n'y a pas la chose qui désire cette chose-là à l'intérieur de toi. Si vous faites l'effort pour lutter, pour ne pas accomplir, cette chose se trouve là-bas. Et donc là, avec notre propre volonté, avec certaines connaissances, nous essayons de bloquer ça. C'est pour cela que vous voyez, les gens du Moyen-Orient font certaines techniques. Vous appelez, ils font la 16 et autres là-bas. Ils vont dans les montagnes ou là-bas pour pouvoir fuir le monde. Ils disent donc qu'ils canalisent la puissance sexuelle là, au niveau de l'énergie de la colonne vertébrale. Ce qu'on appelle la Kundalini. Pour pouvoir monter dans la tête et puis se connecter à l'univers. Alors, les gens font comme ça. Ce sont les techniques de maîtrise de soi. Mais enlève-le en brousse une semaine. Mets-le au village, en plein ville où il y a les jeunes filles avec les seins dehors et observe donc. La nature là, ça revient maintenant plus de 4 millions de fois. Quand ça revient la prochaine fois, il va être fou seulement. Parce qu'en réalité, on a essayé d'étouffer seulement. La chose qu'on appelle péché qui habite dans l'être humain, vous ne pouvez pas l'étouffer. La seule puissance capable de l'enlever, c'est le Saint-Esprit. C'est la seule. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez blaguer. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, aie le bon comportement n'importe comment. Qu'il tue est gentil, il respecte tout le monde. Il ne s'agit pas dans la Bible du respect. Il s'agit d'une transformation intérieure. Cette transformation intérieure, si c'est pour le caractère, vous allez remarquer que ceux que nous appelons chrétiens aujourd'hui ont les caractères les plus difficiles même. Ceux que nous appelons chrétiens ont des comportements vraiment bizarres, donc le standard normal. Vous savez, il y a des chrétiens qui entrent dans la maison, ils nous ouvrent la porte. Avant que tu dises, mais tu n'as pas toqué, ils disent, ah, vous savez, la civilité, ces comportements. Oh, il y a des gens qui sont formés ainsi depuis. Vous savez, mais ils sont formés comme ça, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc le bon comportement n'amène pas quelqu'un au ciel. Donc ce sont ces caractères-là, il y a les caractères en nous, que bâtis par notre environnement, notre société, notre façon de vivre, les gens que nous avons rencontrés, au fur et à mesure que vous rencontrez une personne, vous causez quelque chose entre vos caractères. Vous rencontrez un groupe, vous suivez un style de musique, quelque chose entre vos caractères, sans que vous ne soyez au courant. Vous rendez compte qu'un style de musique chante, vous chantez toutes ces musiques de bus à la fin, alors que vous ne vous êtes jamais assis comme ça pour essayer de dire que si ça dit comme ça, on dit quoi ici, on dit quoi ici jusqu'à la fin. Mais vous rencontrez quand tout simplement que quand ça sent, même si vous ne chantez pas, ça chante en vous et vous savez que c'est cette parole qui va sortir. Quand est-ce que c'est entré à votre insu? Souvenez-vous, lorsque nous voyons les chrétiens face aux mauvaises pensées ici, la première, nous avons vu la première partie, Dieu voulant, nous verrons la deuxième partie pour traiter avec cela. Donc, le problème se trouve dans le caractère humain. Vous avez chanté ici, comment ne pas l'aimer? Comment vous, si vous avez la difficulté à aimer un être humain comme ça, vous pensez que vous serez, ce serait facile pour vous d'aimer le Seigneur? Puisque la Bible déclare, si tu ne parviens pas à aimer celui qui est né de lui, comment pourras-tu dire que tu aimes celui que tu ne vois pas? C'est-à-dire celui qui est devant moi comme ça, qu'il voit physiquement. J'ai des difficultés à l'aimer. Mes soeurs et mes frères, vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de préparer le chemin pour que nous allions quelque part ce soir. Si vous êtes d'accord, on avance. Si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça risque d'heurter. Vous me suivez? Si vous êtes d'accord, on avance. Mais que chacun porte les chapeaux aujourd'hui. Je vais dire ceci. Si le frère semble en tant que maman, elle a mal parlé de lui, spirituellement parlant, ou bien selon la position de Dieu, quelle devrait être sa position? Comment devrait-il réagir par rapport à cela en tant que chrétien? Vous savez, quand on arrive dans un combat, à un moment donné, nous-mêmes nous créons notre propre philosophie. Je suis quand même humain. Mais attends, on n'avait pas dit que tu n'étais pas humain. L'évangile, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les humains. Ça arrive quelque part, vous dites non, on est quand même charnel, mais c'est pas pour les morts, c'est pour les vivants, l'évangile. N'est-ce pas? C'est pour dire qu'il y a quand même l'aspect de la chair là-bas, l'animosité. Un autre côté qui n'est pas mort. Amen. La question c'est, si j'entends mon frère dire de mal de moi, ou bien quelque chose que quelqu'un aurait dit de moi, quelle serait ma réaction? Vous vous souvenez quand je parlais, ça me rappelle maintenant, quand on travaille ici dans le monde, j'ai dit que les persécutions viendront. J'ai dit que les persécutions viendront, les huit y viendront. Mais le Seigneur a dit, tais-toi, ne te défends pas. Vous vous souvenez? Et je redis encore maintenant, il y aura encore l'autre plus virulent. C'est destiné pour un but. Ce but-là, c'est écrit. Les choses que ça. Pourquoi c'est concerné, c'est écrit normalement. C'est écrit avec les dates. Le moment venu, il veut venir, il veut dire, ouvre, lis. Quelle date? Lis la chose que tu avais dit. Lis la date, lis ce que j'ai dit. Donc c'est destiné pour un but bien précis. Donc, si vous entendez, comme je vous avais dit, si vous entendez qu'on parle de moi n'importe comment, n'essayez pas de me défendre. Je dis ça depuis des années. N'essayez pas de me défendre ou bien de justifier. Laissez Dieu faire, c'est dans l'ordre des choses. Vous savez, quand David était en disgrâce devant Dieu, quand David avait commis la chose là, et puis Dieu a fait que Absalom vient pour créer. Il marchait dans le flanc de montagne, il y avait un monsieur là qui disait, meurtrier, ceci, il maudissait. Quand le tour de la caravane du roi David passait, Joab a dit, oh, mais qui est-ce qui parle au roi comme ça? Permets-moi d'aller tuer ces chiens. Jésus, vous savez, David, l'homme sera au cœur de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Tu laisses le qu'il a maudit. S'il maudit, c'est que c'est Dieu qui l'a dit. S'il maudit, c'est Dieu qui l'a dit. C'est quand même terrible. Celui-là est seul. Un seul, le plus dernier soldat là-bas, réglerait son compte. Mais il a regardé comme ça, il a dit que Dieu fasse de lui ce qu'il veut. Plusieurs mois plus tard, quand le roi sera exporté, il va passer encore là-bas. C'est toujours encore lui qui va courir, encore dire que laisse-moi un pauvre chien comme ça. Qui suis-je? Qui veut moi de ma famille? Donc faites attention. Très souvent, nous ne comprenons pas que certaines choses arrivent selon la volonté du Seigneur. Vous suivez? Quand le royaume de Jérusalem, quand le royaume de Juda avait été divisé avec celui du royaume d'Israël, à la mort du roi Salomon, quand Roboam a pris le pouvoir, vous allez remarquer qu'il a demandé les Jérusalemites. Celle-là, elle a compris maintenant que quand l'enfant pleure, c'est l'eau qu'il faut lui donner. Elle va faire le ventre de l'enfant va gonfler comme ça. Quand ça va créer des problèmes, elle va dire que frère, priez pour l'enfant. Parce qu'elle veut que l'enfant s'éteigne. Elle va étouffer l'enfant là-bas. Quand le royaume d'Israël s'était divisé, si vous lisez le livre de 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 11, chapitre 12 précisément, et dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 10 précisément, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 10, lorsque le royaume d'Israël avait été divisé, Roboam a pris le royaume du sud et Jéroboam a pris le royaume du nord. Mais avant que ça se disloque, les hommes d'Israël vont venir avec Jéroboam, demander au Jéroboam que ton père avait mis 7 jougs sur moi. Autre cela, afin qu'on soit des serviteurs. Il a dit revenez dans tel trois jours, je vais vous dire ce qu'il en est. Il va demander au vieillard. Les gens disent, ok, si tu enlèves le jour que ton père avait mis, ils seront tes serviteurs pour toujours. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas suivi ses conseils. Il a demandé maintenant les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, donc ses amis, ses camarades qui ont grandi ensemble. Il dit que mais les gens si ont demandé telle chose. Il dit, les gars ont dit que quoi? Il dit que son père a fait une fois, on fait pire. C'est ce que les gens ont dit. Souvenez-vous, j'arrive quelque part. Il a laissé le conseil que les vieillards avaient donné. Il a pris le conseil que les jeunes avaient donné. La Bible déclare, cela fut dirigé d'après l'Éternel parce qu'il voulait la chute des robots. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Deux Chroniques, chapitre 10. Vous voulez qu'on lise cela? Vous voyez là? Bon, c'est ce qui est écrit de toute façon. Moi, je vais comme ça, c'est tout là-bas. Alors, ça se trouve là-bas. Il dit que cela fut dirigé d'après l'Éternel. Plusieurs mois, quoi? Robon va voir son proposé de douane d'impôts, va demander va collecter l'impôt là-bas, oh, depuis il ne paye pas de taxes. Il est là-bas, enfin, ils sont allés à deux. On a tapé celui-là comme ça, il est mort. Le robot a dit que hein, le gars là sont sérieux. En fuyant, en rentrant à Jérusalem, il ne comprenait pas. Alors, il a décidé maintenant, je vais prendre des hommes de guerre pour aller le combattre. Alors, vous savez, le prophète s'est tenu au devant. Ainsi parle l'Éternel, l'enfant d'Israël, que chacun retourne dans sa tente. Car ce n'est pas moi que cela est venu. Donc, c'est moi qui ai voulu cette division. C'est Dieu, ça, faisant cela. Donc, c'est Dieu qui a décidé qu'il y ait scission. Qu'il y ait deux royaumes. Dieu. Très souvent, comme nous ne connaissons pas Dieu, nous voyons effectivement que non, Dieu veut telle chose. Très souvent, nous sommes avec des gens, Dieu veut les séparer de nous. Nous allons en train de chercher, alors que ce sont ceux qui nous créent ce problème. Que non, c'est mon frère, on a grandi ensemble, Mais l'heure de son démon est arrivé. Oui, c'est. Regardez le cas de. Quand Samson était là, il sort comme ça, là, il descend, lui active. Là. Il voit une jeune fille qui fait comme ça, il dit merde, celle-ci là, ça c'est apprendre à mettre dans la maison. Il descend, il dit à son papa que. Trouvez-moi cette fille légitime là. J'ai vu une belle fille là-bas, elle prend une femme, dit que papa dit que mère. Vous regardez bien, si vous regardez la position du juge Samson, vous regardez la position de son père. Son père avait raison d'après les Écritures. Samson avait raison d'après la volonté parfaite de Dieu. Son père dit que, mais y a-t-il pas des jeunes filles en Israël pour que tu puisses descendre prendre les filles des circoncis? Bibliquement parlant, littéralement parlant, il avait raison parce que Dieu avait interdit que vous alliez, qu'on va vers le Philistin. Pour prendre les fils et les filles aux femmes et hommes, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare dans ce livre des Juges, chapitre 14, ses parents ne venaient pas que, ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Ils ne savaient pas que c'était Dieu faisant, que c'était Dieu qui voulait qu'il prenne une fille là-bas pour que ça crée un problème entre les Philistins et les Israéliens pour qu'ils passent par là-bas pour trapper. Je veux que vous saisissez ces choses-là de Dieu. Donc je recommande donc ce qu'il a commencé ce soir. Si tu entends, ce n'est pas pour voilà pour lui, c'est pour vous. Si vous entendez qu'on a dit quoi que ce soit de vous, qu'allez-vous faire? Ou bien, quand tu dis mon frère, ma soeur, salut-vous un peu encore, je vais dire quelque chose, salut-vous, les voisins, salut. Mais salut pas ton mari, on dit que même si c'est pas comment tu sais quoi, tu as aimé, et salut pas là-bas. On sait que même si. Est-ce qu'elle peut ne pas aimer son mari? Maintenant, dis à la personne que je t'aime. Voilà. Alors. Ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce que le « je t'aime » que vous avez dit là a une condition? Ou bien, est-ce que ce « je t'aime » devrait avoir une condition? Donc l'amour, puisque l'amour, la Bible déclare que l'amour ne se sent point le mal. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc ça veut dire, vous devez aimer. Ça veut dire, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand l'apôtre Paul Pierre a eu les mêmes difficultés que nous avons eues par rapport au pardon, parce que le pardon et l'amour sont intimement liés. Il dit que, c'est combien de fois doivent pardonner à mon frère? Il voulait, et quoi qu'il y avait une limite, que s'il exagère, c'est terminé. Jésus a dit que s'il pêche 7 fois le jour, et 7 fois il revient te demander pardon, tu dois le pardonner. Puis il a dit que c'est comme ça là. Alors vous savez que vous devez toujours vous aimer. Même si quelqu'un vous a fait quoi, vous devez toujours l'aimer. Même si la chair fait quoi, souvenez-vous, le décret c'est l'amour. Vous me saisissez, frère? Oui. Je vais mettre quelque chose, allez entendre les choses violentes. Si vous ne voulez pas que je mette, je ne mettrai pas. Si vous voulez que je mette, je mettrai. Mais vous devez assumer les conséquences parce qu'il y a des insultes sur vous. Je veux que vous preniez. En fait, j'ai apporté ceci, pas pour me justifier, pour que vous preniez les enseignements. Pour que vous saisissez, vous essayez de vous mettre dans la peau du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'insulter ne faisait point de menaces. Hein? Maltraiter, il ne rendait point d'injure. C'est ce que la Bible nous déclare, n'est-ce pas? Mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça? Il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est-à-dire quoi? Ça suppose que l'être humain sur la terre peut démontrer physiquement, avec les relations, avec n'importe quoi qu'il peut avoir, les arguments qu'il a pour prouver que tu as tort. Et justement, on te met en prison même. On te soumet à des exactions sur la terre, parce que tout le monde entier doit être contre toi que tu as tort. Mais il y a le juste juge. Vous savez ça? Amen. Prenons un exemple simple. Dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul va délivrer cette femme qui avait l'esprit de Python, je vous pose la question. Sur quelle barque on a enfermé l'apôtre Paul et Silas? C'était des malfaiteurs? Non. Le fait qu'il ait délivré une personne, c'est une mauvaise chose? Non. Dans ce cas, comment il a fait? Normalement, si on veut voir les vrais prisonniers, qui était-ce? N'est-ce pas cette personne-ci, celle qui faisait la divination et ses maîtres, puisqu'il donnait des esprits méchants aux gens en faisant la divination. N'est-ce pas eux qui devaient être en prison? Mais qui s'est trouvé en prison maintenant après? Le juste. En Égypte, qui s'est trouvé en prison? Entre la femme de Potiphar et Joseph, qui devait se retrouver en prison? Hein? Parce qu'elle a fait quoi? Fausses accusations. C'est pas ça? Fausses accusations. Normalement, c'est qui devait être en prison. Mais qui finalement l'a mis en prison? Joseph. Joseph. Écoutez bien cela. Enfin, nous prenons tous ces exemples. Prenons le cas de Jésus. Quelle est sa faute? Sa seule faute, c'est qu'il nous a aimés. Sa faute. Il aurait dû ne pas nous aimer, il serait tranquille. Mais comme il nous a aimés, il n'a pas voulu dire que laissez-moi, dans ce cas, il quitte, je suis Dieu, comme je suis venu vous sauver, vous ne voulez pas que je vous sauve, je rentre moi chez moi. Il pouvait disparaître, pas vrai? On dit qu'à cause de son amour pour nous, il est resté dans le silence, n'est-ce pas? Il est resté dans le silence pour qu'on fasse ce qui est écrit de lui, afin que ce qui est écrit de lui s'accomplisse. Vous me saisissez? Oui. Si vous êtes prêt à supporter, vous dites, j'avance. Mais avant cela, c'est une question que je vais vous poser. Je fais toutes ces choses, c'est que vous vous saisissez. Vous ne manquerez plus jamais de dire devant quelqu'un, ou bien vous ne saurez plus que mon père m'a fait telle chose, ma mère m'a fait telle chose, à cause de lui que je n'ai réussi pas, c'est à cause de personne. Souvenez-vous, quelle qu'en soit l'accusation que vous en avez de faire, toute personne, vous êtes connecté et interconnecté aux gens, et les gens mauvais et les gens bons. Les gens bons vont faire ce qui est destiné pour qu'ils doivent faire dans ta vie. Les gens mauvais vont faire ce qui est destiné à faire dans ta vie. Quand le Seigneur Jésus est venu, n'est-ce pas lui qui a choisi Judas Iscariote? Avant de choisir, il ne savait-il pas qu'il devait le livrer? Quand Judas Iscariote marchait avec les bourses là, il volait là, Jésus ne savait-il pas? Ça l'a empêché de le choisir, de le laisser à côté de lui, de l'envoyer prêcher. À la fin, il a dit que ce que tu veux faire, fais-le. Je veux que vous compreniez ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc, avoir de l'amour jusqu'à manger dans le même plat que son ennemi. C'est lui qui va le livrer. Je suis ouvert avec vous. Est-ce que vous êtes ouvert avec moi? Donc si vous posez des questions de façon individuelle, vous allez répondre. Ok, je pose encore des questions différentes. Vous m'aimez? Jusqu'à ce que vous m'aimez. Quand je suis souvent dit avec vous, vous rentrez vraiment, vous êtes tranquille. Hein? Je dis Amen, c'est mon pas réflexe. Amen. Amen, c'est quoi? On dit oui ou non, on dit Amen. Je vous pose la question, on dit Amen, vous cachez. Si c'est le non, vous dites Amen. Vous dites Amen, vous cachez derrière. Je dis quand je vous traite durement, est-ce que quand vous rentrez, vous méditez sur ça? Oui. Vous pensez que quand je vous traite durement, c'est parce que je vous déteste, par exemple? Je suis obligé de vous traiter durement. Parce que si je ne vous traite pas durement, il me traitera durement. Donc mieux, je fais ça de votre côté. Je suis libre avec lui. Même si vous faites autrement. Même si vous dites n'importe quoi de moi. Ou même si on dit n'importe quoi de moi. Quelqu'un, un être humain, n'a pas pris ma main comme ça que je t'appelle. Un être humain n'a pas dit que viens, t'assois ici. Il te forme. Que ton temps est arrivé pour partir. Un être humain n'a pas fait cela. Donc on va commencer. Je vais commencer les questionnements. Donc pour toi, il n'y a pas de problème, d'accord? Et mon frère, s'il a des vêtements comme ça là, il ne sait même pas, il croit que c'est lui qui est venu là. Il croit que c'est lui qui est venu. C'est pas toi qui est venu, d'accord, frère Manon? Le Seigneur au courant de cela. Table là encore. C'est mon frère. Le Seigneur dit dans la Bible, dans le livre d'Hébreu, il dit que, ayant souffert, lui-même ayant été tenté par des choses dont il a souffert, c'est pour cela qu'il peut sauver exactement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Il sait que nous souffrons, il connaît ce que nous avons dans la chair, il connaît nos faiblesses. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut que le jour que je vais m'arranger, vous allez devoir le Seigneur. Comment tu vas t'arranger puisque c'est lui qui est censé arranger. Ne fuyez pas le Seigneur quand nous avons le problème. Allons vers lui pour qu'il arrange notre situation lui-même. Celui qui est le restaurateur. D'accord? Maintenant, on va commencer. Il y a la soeur qui avait perdu son mari. Ma soeur, pourquoi ferme ton père, tu viens? Vous dites que vous aimez, n'est-ce pas? Qui a appris que cette soeur-ci a perdu son enfant? Viens ici. Je recommence encore la question. Qui a appris que cette soeur-ci... Si vous ne comprenez pas en français, il parle en anglais. Qui a entendu que cette soeur-ci a perdu son enfant? La soeur Sandrine. Vous tous, presque vous tous, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait? D'abord, je n'étais pas là, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait pour l'assister? Vous étiez là-bas? Oui. Maintenant, vous avez dit qu'ici, vous allez vous ouvrir, n'est-ce pas? Ne crains pas. D'accord, de dire la vérité. Dis ce que tu as sur le cœur. Enfin, personne ne peut te taper. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Personne ne peut te taper, d'accord, ma soeur. Donc, es-tu satisfait de leur comportement? Si c'est oui, ils n'avancent plus. Si c'est non, je vais avancer avec la question. Non. Non, que quoi? Je ne suis pas satisfait. Non, pas la haute voix. Je ne suis pas satisfait de leur comportement. Pourquoi? Parce que certains, bon, il y a certains, voici la majorité. Ok, attends. Donc, tu n'es pas satisfait de comportement de tout le monde ou de certains? De tout le monde. Il y a deux personnes qui ont essayé de me rappeler après le jour qu'ils sont venus prier là. Oui. Il y a que certains d'entre eux qui sont venus me voir. Oui. Sinon, le reste, ils m'ont appelé, même rien du tout. Bon. Il y a aussi moi aussi, tu as quelque chose contre moi. C'est simple, on a dit que c'est la vérité, non? Oui. On ne doit pas ménager quelqu'un. Si elle dit non, il doit justifier. Si elle dit oui, ici elle doit justifier. Hein, frère Olivier? Oui. On en allait quelque part, vous allez vous remarquer quelque chose ce soir. Bien, avoir quelque chose contre toi, personnellement, je ne pense pas. Non, non, le sujet que je parle, c'est par rapport au même sujet. Oui. J'ai dit par rapport aux gens de l'Assemblée. Puis maintenant, par rapport à moi-même, est-ce que tu as quelque chose contre moi? Que je sais pas, remarquez bien, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous ne saviez pas. Il y a cela 2 jours, tu étais à la maison. Oui. Tu as passé combien de nuits à la maison? 2 jours. Est-ce que toi et moi, on a parlé de ce sujet? Non. La façon dont je me comporte, souvent, les gens trouvent ça bizarre. Il y a des gens qui viennent passer des nuits à la maison, même 3, une semaine. On ne parle pas de ces choses-là. Je fais mes choses. Après, ils t'accompagnent. On parle même à prier. Est-ce qu'on a prié? Non. Parce que le réflexe veut que quand il vient, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Mettons Jésus. Arrête dans la face du Seigneur. Restons dans la présence du Seigneur, mon frère. C'est pas comme ça. Elle et moi n'a pas parlé de ces choses-ci. Parce qu'étant de regarder pour voir ce qu'il en est, jusqu'à ce qu'il en est venu. Jusqu'à ce qu'il en est venu. Si on parlait de ces choses-là à la maison, ceci n'aurait plus place. Ceci, nous sommes en train de parler de ces choses-ci parce qu'il faut que son problème soit résolu. Il faut que les choses qui se trouvent ici, de ce côté, soient résolues. C'est pour ça que je suis demandé d'abord pour qu'on puisse comprendre. Parce que normalement, quelqu'un qui est devait se poser la question, pourquoi le frère vient dire que je viens à la maison? Normalement, il s'attendait à peut-être que s'il rentre de Bafoussam, normalement, je vais là-bas. Je ne suis pas allé. Puis je lui ai dit, ok, maintenant, la maison est libre maintenant. Viens. Elle est venue, elle a passé 2 nuits à la maison. On n'a pas parlé quoi que ce soit. On mange, on parle, on rit. En elle, il y a des questionnements qui se passent en elle. Mais il passe là comme ça, là, il passe un jour, on fait des choses, un jour. J'attends un moment, une chose. Et le Saint-Esprit ne peut pas tomber. Il avance seulement. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce jeune garçon qui était aveugle et qui est venu. Je voulais aller une fois. Chaque fois, il me partait, il rendait compte que je n'allais pas imposer les mains, n'est-ce pas? C'est déjà des choses. Quand vous êtes enveloppé par lui, vous marchez par lui, il vous conduit. Sinon, vous faites ces erreurs ordinaires. L'erreur ordinaire que si quelqu'un vient d'abord prier. Il faut prier. Demandez la face du Seigneur. En partant, prier. Prier à propos de quel sujet? Si c'est bavardé, tout le monde peut bavarder cela. Il faut prier selon l'esprit. D'accord, mes frères là? Ok. Donc, la question que j'ai posée ici, avant qu'on entre dans le développement, c'est que est-ce que tu as quelque chose contre moi? Il y a la place là-bas, mon frère. Recule-toi, mon frère là-bas. Recule-toi. Tu envoies le père au coin comment? Oh. Comment tu peux envoyer ton père au coin? Y a-t-il quelque chose que tu as contre moi? Je dis que c'est contre dans le même sujet. Non. Ok. Donc, devant l'Assemblée, elle a dit qu'elle n'a rien contre, contre moi. Et si tu as quelque chose, d'abord, nous sommes dans la vérité. Tu le dis comme ça, et que ce n'est pas vrai, c'est que c'est le Seigneur qui te répond. Parce que si tu avais quelque chose contre moi, c'est que devant l'Assemblée, il te demanderait pardon si tu avais raison. Donc elle dit que je n'ai rien contre, enfin, qu'elle n'a rien contre moi. Ok, maintenant, je vais aller, et vous êtes témoin, pardon que j'en ai parlé maintenant. C'est pour ça que je vous ai fait venir comme ça, certains d'entre vous, pour écouter ces choses. Et je vais poser une question pour certains d'entre vous qui vous trouvez là-bas. Sans toi libre, d'accord. Parce que ça va également arranger beaucoup de choses. Ton mari est décédé, n'est-ce pas? Puis ton fils est décédé. Raconte-nous les circonstances de la mort de ton mari. Je vais arriver là parce qu'il y a des questions que je vais poser. Je veux que vous ouvrez bien vos oreilles, vous entendez des choses. Parce qu'après ça, vous allez chercher quelque chose. Non, je voulais dire, n'est-ce pas? Selon toi, pourquoi est-ce que ton mari est décédé? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est la cause de sa mort? Je vais le dire. D'accord. Parle que les frères là-bas, que celui qui est derrière puisse écouter sans problème. D'accord. Vous entendez dehors là-bas? Non. Mais toi, tu es dehors, frère Jimmy. Il dit, vous entendez là-bas dehors? Tu dis non, par réflexe. ceux qui sont dehors, vous entendez? S'il te plaît, on parle un peu fort pour que ça te dise. Mon père est élevé dans la Rose Croix. Élevé dans la Rose Croix, il a atteint le sommet. Attends, je parle de ton mari, hein? Oui, c'est la cause. Ah, ton père est rosicrucien, hein? Oui. Ok, voilà, avance peut-être, il savait, Valencien. C'est la cause. Et tu dis qu'il est... Toi, tu connais son papa, hein? Ah. Attends, tu connais que son père est dans la Rose Croix, hein? Attends. Ok, donc si tu ne sais pas, c'est pas ton problème. Avance ici, là, c'est son problème, hein? Oui. Bon, il est élevé dans la Rose Croix. Oui. Il atteint le sommet. Quel sommet? Sommet de... Quand tu arrives au sommet des loges. Si ton père est devant toi maintenant, tu peux lui dire, tu peux prouver ce que tu viens de lui dire. Oui. Lui-même, c'est qu'il est dans la Rose Croix. Hein? Oui. Ah. Quelqu'un ici est au courant de ça? Hein? Oui. Vous savez cela? Hein? Ah, toi, tu lui l'auras raconté. Oui, ok. Avance-y. Donc, on s'est marié et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est le jour où on l'a cuisiné, même ce jour où... Cuisiné qui? Mon mari. Qui l'a cuisiné? Mon père. Comment tu sais ça? La révélation. Ça venait de qui? Tu as eu ce mensonge? Non. Qui t'a dit cela? Deux hommes différents. Il veut qu'on on est dans la vérité. Oui. Tu peux citer le nom, c'est pas caché, non? Je ne connais pas ton nom. L'autre, un, c'est Pasteur Guy, l'autre, c'est prophète qui venait de l'Amérique. Un prophète qui venait de l'Amérique. Mais oui, c'est pas ce prophète. Donc il est sorti de l'Amérique, il t'a dit que ma soeur, ton père cuit ton mari. Non, il est venu de l'Amérique, ma soeur était partie là-bas. Quelle soeur? Ma petite soeur. Dans leur assemblée. Non. On va entrer dans les détails. Les questions que tu poses ne sont pas anodines. Mm-hmm. Quelle sœur? Elle vous a raconté ça, hein? Soeur. Elle s'appelle comment? Nadège. Hein? Mm-hmm. Elle est dans quelle assemblée? C'était l'assemblée de Maman Régine Noutem. Le couple Noutem. Vous la connaissez? Ma sœur Marine Kessé. Attends. C'est la costaud. La donc tu connaissais la costaud dont je vais parler. Oui, la famille, puisque j'ai invité à la jeune. Bon, ça veut dire que Frère tu vas nous aider ce soir. Tu vois pourquoi on a voulu que tu viennes t'asseoir ici. Donc, tu vois, je t'ai dit, de façon. C'est pour ça que je croyais sa petite soeur. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de point. D'avance, vous connaissez. Si. Connaissez. Elle t'a dit qu'elle sera pasteur. Elle m'a dit pasteur. Donc, elle n'a pas voulu que j'en ai des détails. Ok. Donc, elle est pasteur déjà. Hein? Bon. Les questions, je vous l'ai dit, je suis en train de poser des questions. Au fur et à mesure, quand il dit quelque chose, j'arrête de poser des questions. Il y a un pourquoi. D'accord? Oui. Bon, pendant le deuil... Donc, attends, je vais recommencer ce que tu as dit. D'accord. Tu dis que tu as eu le fait que ton papa... Enfin, d'abord, tu dis que ton père est rosicrucien. Mm-hmm. Là, il n'y a pas besoin de révélation, mm-hmm. vous savez. Mm-hmm. Ton papa, la mort de ton mari est venue de suite, par suite de ton papa. Mm-hmm. Remarquez que tu as commencé depuis, parce qu'il y a un premier deuil, il y a un deuxième deuil. Mm-hmm. Donc, la mort de ton papa est venue de suite de ton mari, mm-hmm. est venue de suite de la cuisson. C'est le thème qu'il a utilisé, qu'on a demandé de cuire. Oui, c'est une façon de parler, mm-hmm. mais je suis dans cité. Donc, et tu as dit que c'est deux personnes, c'est venu de deux personnes par révélation. Un pasteur gay, lui il est camerounais. Lui il est camerounais. De quelle assemblée, ma soeur? Je ne sais pas. Hein. Mais vous avez répondu comment ils te disent là? Le problème, c'est que moi, je suis toujours à la maison, ça va me trouver. Ah, donc le pasteur, lui, il vient à la maison, t'es dit? Non, ce sont tous mes soeurs qui partent dans leur assemblée. Oui. Attends, maintenant, tout à l'heure, tu as dit ma soeur, maintenant, tu dis mes soeurs. Je compte pour pasteur Guy, c'est une autre soeur, et c'est à ma cœur père. Toujours ta soeur même? Qui est, même voulu l'inviter aujourd'hui, je sais pas. Qui est la fille de celui de ton... Vous êtes même... Quand tu dis soeur, c'est vraiment le fils, la fille de ton père, celle-là? Oui, bon. Oui, ok, donc il y a une soeur qui est venue avec la avec qui est allée chez pasteur Guy et que pasteur Guy a dit que ton père a de cuire ton mari, c'est ça? Non, il a dit que c'est mon père qui est responsable de la mort. Attends, ceci se passe lorsque ton mari est déjà décédé, ça dit que tout ça c'est pendant la, le deuil. Tout ça c'est pendant si je comprends très bien, ça veut dire que quand le deuil s'est passé, peut-être ta soeur est allée dans une assemblée. C'est que tout ce qu'on a de parler là, est-ce que je t'ai déjà posé une question concernant quoi que ce soit concernant cela? C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, lorsque le deuil se passe, ça veut dire que pendant que le corps est encore là, l'une de tes soeurs va dans une assemblée chez le pasteur Guy là. Et c'est là où le pasteur Guy a dit que c'est ton père qui a tué. Le pasteur Guy, c'était après. Après la mort. Après l'enterrement. Je sais pas si le prophète, c'est un homme de Dieu qui est venu d'Amérique, il venait rendre ministère au Cameroun. Oui. Et c'est maman Régine Nouten qui l'a accueilli dans son. Vous connaissez Régine Nouten comme là? Vous la connaissez, vous connaissez pas. Je voulais seulement savoir si vous avez compris ce qu'on lui dit. Radio Restauration de Vie, oui. Restauration de Vie. Et quand il est donc arrivé, il a vu ma soeur, il a dit, il y a un deuil dans ta famille. Oui. Oui, il y a un deuil. C'est le monsieur qui vient de l'Amérique là. Oui. Qui a dit à ta soeur qu'on appelle Nadège. Oui. Il y a un deuil dans ta famille. Oui. Et je vais dire ce qui s'est passé. Oui. Madame Régine nous aime l'arrêter que non, ne dis pas. Ne trahis pas. Oui, ne trahis pas. Il a dit, je vais dire. C'est là où et le pasteur américain, c'est un blanc ou bien noir américain? Un noir. Américain. Il était ici. Il est seulement parti. Il est seulement venu rendre ministère. Toi-même, tu n'es pas parti là-bas. Hein? Ils m'ont appelé, je ne suis pas parti. Ils m'ont dit que je dois, ils doivent venir pour qu'on me... On fait quoi? Hein? Comment tout, un truc comme ça, là, un truc... C'est ta soeur Nadège là qui a dit cela, qui, oui, qui est venue te donner. Il voulait dire que c'est ta soeur Nadège là qui est venue te donner cette nouvelle-ci, qu'on t'appelle là-bas. Oui. Mais pourquoi tu n'es pas partie? Maman Régine m'a appelé. Au téléphone. Aussi. Oui. Elle m'a aussi appelé et elle m'a aussi confirmé la chose qu'elle-même elle avait reçu ça. Donc, ça veut dire que finalement c'est trois personnes là, désormais. Donc, il y a pasteur Guy, qui ne connaît pas le pasteur américain ni Maman Régine, qui a dit que c'est ton père qui a tué ton mari. Oui. Il y a cette femme Régine. Oui. Laisse pour le pasteur, c'est pas le moment. On est au-dessus au niveau des révélations. Souvenez-vous, vous riez comme ça là. Il ne faut pas que tout à l'heure, je ne vais pas entendre ici. Vous devez toujours aimer. Si quelqu'un dit n'importe quoi, vous devez aimer. C'est pour ça que cette soeur est debout. Donc, Nadège qui est ta soeur, dit, va, le prophète qui vient des États-Unis lui dit que c'est ton père qui a tué, donc ça fait deux. Puis vous dites, tu dis que maman Régine a confirmé au téléphone qu'elle a aussi la même chose. Oui. Donc ça fait trois confirmations. Donc c'est sur cette base-là que tu as dit que c'est ton père qui a tué ton mari. Oui. Au-delà de ton mari, ton papa, il est venu. Oui, il est venu. Tu l'as regardé comment? Au-delà de mon papa, quand il est venu. Au-delà de ton mari. Au-delà de mon mari, excusez-moi. Oui. Quand il est venu, je ne connaissais pas encore. Oui. Mais quand j'ai su, je vous assure, c'était la lutte. Oui. C'est-à-dire, si les bien-aimés ne m'arrêtaient pas. Lesquels bien-aimés? Tous ceux qui étaient autour de moi. Il veut que nous disions, ce sont ceux qui étaient d'ici, qui sont ici. Non. Il dit, les questions que je viens de poser ne sont pas au hasard. Lesquels bien-aimés? Ce sont les... Les frères qui sont avec Nadège et autres, ou bien? Non, les mamans qui m'ont vu grandir, qui m'ont accepté. Elles sont les bien-aimées. Oui, les bien-aimées. Et ceux avec qui j'étais avant, chez Hervé. Hervé, c'est qui, ma soeur? Hervé Mayak. Hervé Mayak. Oui. C'est qui, je... C'est un frère. Chouchoura, Adenbourg. Ok, Hervé de Chouchoura. Oui, Mais ceux avec qui on était là-bas. Donc, ils étaient là-bas au deuil. Oui. Mais pendant qu'ils t'arrêtaient comme ça, ceux d'ici, là, ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il dérange, sortez avec lui. Il n'a pas dit sortez, allez le taper. Sortez avec lui. On a de reconstruire quelque chose. Attends, où est la maman de l'enfant? Merci. Le chef a pris ça sur lui. Donc, où était? Reste là. C'est là que tu parles. C'est pas les deux devenus une seule chaîne, non? Donc, si elle écoute, c'est qu'elle a écouté. Bon. Tu dis, pendant le deux, quand tu as arrêté, quand ton père était là, les bien-aimés t'ont arrêté. J'ai posé la question, quel bien-aimé? Tu as dit, les gens qui t'ont vu grandir et les gens de chez Eve, Eve lui-même était là. Non. Les gens qui étaient parmi, tu peux les connaître. Qui t'a arrêté? Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que ceux d'ici étaient là pour t'arrêter? Non. Et ils ont dit tout à l'heure qu'ils t'aimaient? Bon, ce n'est pas pour ça que je suis en train de creuser. Bien aimé, je vous toute votre attention sur chacune des questions qui vont se passer ici. Remarquez que je n'aime pas un questionnaire. C'est au fur et à mesure que nous allons questionner les questions entre les profondeurs et balancer ce qui est là-bas. Alors, maintenant, quand tu as rencontré ton père, tu as dit que du moment, ça c'est à la morgue que ça se passe, à la morgue ou c'est à l'enterrement que... C'était à la maison même. Quand on a amené le corps à la maison. Non, c'est-à-dire... C'est alors que je me rappelle, parce que comme il y a eu... Donc, je voulais dire que le père, ton papa, est venu à quel moment? Il est venu à la mort ou c'est à la maison? Il est venu dès l'annonce jusqu'à... Jusqu'à l'enterrement? Jusqu'au dépôt. Jusqu'à ce que la veille a capoté. Oui. Et c'est là où... Capoté, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait serré le corps. Qui ça? Ta famille, donc... La famille du garçon de ton mari? Oui, donc ses enfants et la femme qu'il avait eu avant. Là. Ils ont serré le corps... Disant quoi, qu'on a tué son mari ou quoi? Voilà, ce qu'ils avaient écrit, ce que j'ai lu, c'est que je suis une concubine qui est venue arracher... Son mari? Oui, qui est venue arracher son mari. Est-ce que dans les noms, tu es une concubine? Non. Bon, elle a écrit ça en termes de... C'est une plainte? Oui, elle a écrit ça, bon. Donc, elle a porté plainte en justice? Voilà, et on a demandé d'assigner, mais comme la quintinue ne savait pas aussi que c'était juste un assignement, ils ont aussi scellé au quoi avec le papier, là. Quelle était la réaction de ton papa? Il était très content. Comment tu sais ça, ma soeur? Parce qu'il est venu, il dit que, mais ça fait quoi? Donc, ne dérange pas, reviens à la maison avec l'enfant. Il dit ça, c'est à toi qui disais ça? Oui, hein? Il dit les gens étaient, il y avait témoins à côté. Oui, il y avait les témoins. Nadège, qui est ta soeur, était à côté. Oui, Nadège était à côté. Elle qui a amené la nouvelle que c'est ton père qui a tué ton mari. Oui. Étant à côté, quelle était sa réaction? Elle était tellement choquée. Choquée de ton papa? Oui. Parce qu'elle-même aussi... Pour le moment, là, elle habite où? Elle habite chez mon papa. Donc, la personne qui allait chez les prophètes et que les prophètes ont dit que c'est son papa qui l'a tué et qui est venue elle-même te dire... Je dis, si ta soeur là, se trouve ici, est-ce que tu peux dire... C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que cette question soit posée à la maison. Je voulais que ça se cause ici. Pourquoi on ne dit pas que Junior avait dit telle chose? Il n'avait pas dit parce qu'il a entendu de telle chose. Il fallait que ça soit ici pour que si demain il y a quelque chose que vous sachiez de quoi il est question. Alors, ta soeur qui est venue te rapporter que c'est ton papa qui a tué ton mari, habite actuellement avec ton papa. Quelle est ta réaction, la relation avec ta soeur, là, cette Nadège là, elle-même? Quelle est ta relation en tant que... C'est toi qui es la grande soeur, c'est elle qui est petite? C'est moi la grande soeur. C'est toi qui es sa grande soeur. Quelle est ta relation avec elle? Je veux dire, est-ce que vous êtes dans l'intimité? Est-ce que vous vous entendez? Je crois que maintenant on s'entend parce que le Seigneur a fait un travail. Vous suivez attentivement. Le Seigneur a fait un travail dans ma vie parce que la façon dont elle est... Vous entendez dehors? La façon dont elle m'a lâché. Oui. Parce que c'est elle qui s'occupait de l'enfant. On était bien, on priait bien. On essayait de prier par rapport à notre situation. Un matin, elle se lève et dit qu'elle a reçu qu'elle doit aller... Elle ne me dit même pas qu'elle a reçu qu'elle doit aller pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour? Oui, pratiquer l'amour à la zone A. Qui lui a dit? Elle a reçu ça. Dans son cœur. Qu'elle doit aller pratiquer l'amour. Et elle se disait que si elle me disait, je devais la bloquer. Oui. Alors, elle s'est levée, elle est partie. Oui. Pendant que j'étais là, après ma petite soeur aussi a pris le train. Elles sont aussi parties, elles m'ont abandonnée toute seule. Bon, quand il dit qu'il n'a pas pratiqué l'amour, la zone A, zone A, c'est quoi? C'est la maison où mon père vit. Donc ton père vit à zone A. Donc ton père est seul. Normalement, toi, vous habitez dans une même maison. Et puis elle a dit donc qu'elle a reçu qu'il faut qu'elle parte pratiquer l'amour chez ton père. Donc c'est là où elle a intégré donc chez ton père. Ça, c'est après l'amour de ton mari. Après l'amour de mon mari. Bon, entre temps, la femme là, tu as dit qu'il y a une femme qui t'a appelé au téléphone avec qui elle était. Tu as dit maman Séraphine, maman. Maman Régine. Maman Régine. Entre temps, quelle est sa relation avec ta petite soeur? C'est, je crois, son pasteur, mais c'est qui la suit. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'est toujours ton pasteur? Oui, c'est toujours. Même maintenant, c'est toujours son pasteur? C'est toujours. Et quelle est la relation entre cette maman Régine-là et le Hervé dont tu as dit, et le groupe de Chora dont tu as parlé? Quelle est le... Aucune relation. D'accord. Donc, ta soeur Nadège se trouve avec qui maintenant? Cette femme-là ou bien Hervé? Elle est balancée entre les deux. Parce que dernièrement, elle m'a dit qu'elle a vu qu'il y avait les ténèbres chez maman Régine. Maintenant, des fois, elle part tantôt chez Hervé. Tantôt, elle part chez maman Régine. Comme elle est attachée à maman Régine, c'est ça le problème. Donc, elle, elle dit qu'il y a les ténèbres chez maman Régine. Régine. Elle part maintenant où? Chez Hervé. Et mais tantôt, elle vient là où il y a les ténèbres. Oui. Ok. Ouf, bon, maintenant, je pose la question. Je crois que vous avez suivi tout de la mort de son mari jusqu'à ce qu'on finit avec tout ce qui en est allé, n'est-ce pas? Maintenant, je pose donc la question me concernant. Ai-je dit quelque chose concernant la mort de ton mari d'une façon ou d'une autre? Dis ça devant l'Assemblée, si j'ai dit quelque chose. Non. Vous avez suivi? Vous avez bien suivi? Ai-je dit que ton mari doit ressusciter des morts, qu'il ne faut pas qu'on l'enterre? Non. Ok. Mais ta petite soeur, vous en avez parlé de tout ce qu'on a dit là. Il dit tout ce qu'on a dit là, vous en avez parlé. Ne pleure pas. Il dit, et tout ce que je suis en train de poser comme question depuis là. Depuis là, toi et ta petite soeur, vous vous êtes assis. Est-ce qu'elle a eu à t'affronter, te parler de certaines choses ou quoi par rapport à ta foi? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis, parle de l'échange. Ça s'est passé. Dernièrement, si. Quand l'enfant est mort, elle me disait que. Est-ce qu'en dehors de ça, quelqu'un est au courant? Il dit le fait que vous êtes assis, toi, elle vous avait causé. Vous étiez seulement deux. Non, nous étions comme en famille, mes soeurs. Toi maman, et la soeur? Oui, il y a une maman. C'est maman, il dit, c'est maman Ena qui la connaît mieux. Il y a une maman là qui a vu qu'on ne s'entendait pas. Oui. Elle a dit que elle voit qu'il y a la division entre vous les entre nous les sœurs. Oui, je ne veux pas. Alors, ça. Non, elle ne voulait pas. Arrête d'abord. Je ne veux pas ça. Portez cet enfant, vous sortez. Non, non, non, c'est pas ça, c'est pas l'attitude de mon frère. Portez le seulement, vous sortez. Tu subis seulement. C'est t'as pas de l'eau. C'est pas ça. Hein? Oui, donc. La maman là vous a regroupé, elle vous a réuni. Et quelles sont les choses qui ont été dites? Je me concentre sur ton attitude avec celle qu'on appelle Nadine. Nadège, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous avez échangé? Qu'est-ce que vous avez dit? Nadège m'a dit que quand il veut montrer l'amour, moi je les repousse. Et que c'est comme si je fais exprès. C'est comme si je ne fais pas constamment et tout. Je lui ai dit, c'est vrai que la façon dont ils sont quittés m'a franchement affecté. Donc, ça veut dire que tu les reproches du fait qu'ils sont quittés, comme tu as expliqué tout à l'heure. Oui, oui. Et vous savez pourquoi j'ai posé la question dès le départ, l'amour, le problème de l'amour. Là. Donc, ça veut dire que à partir de là, tu as commencé à manifester d'une certaine façon qu'ils ont compris que tu n'avais pas l'amour avec elles. Oui, voilà, elles ont commencé à comprendre que... Tu ne les aimes pas. Oui, il y a un truc. Et après, il y a même des fois, elles appellent. Je ne prenais pas le téléphone. De peur de dire une parole qui va blesser. Oui. Et c'est donc comme ça que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Oui. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, je suis faible. Aide-moi, je veux pas haïr mes soeurs. Je veux pas. C'est comme ça que le Seigneur a opéré un grand miracle. Oui, quand... Vous êtes réunis comme ça? Oui, quand je l'ai... Même après, je lui ai dit, tu n'as pas vu que après, parce qu'elle se plaignait que... La réunion, ça se passe quand? Ça s'est passé juste après la mort de l'enfant. Donc, l'enfant est mort quand quel jour exactement? L'enfant est mort le 16 avril. Donc, 16 avril, nous sommes en mai. Donc, oui, et vous tenez la réunion après la mort de l'enfant. Oui, après la mort. Voilà. Maintenant, à l'issue de cela, vous entendez toujours. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure que avec elle, maintenant, ça va. Non, c'est ça va vrai. Très bien. Même avant, même la mort, ça allait être déjà dans... Qu'est-ce que ta soeur t'a déjà dit concernant moi et l'Assemblée que tu connais? Il dit encore, nous sommes dans la vérité. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle t'a déjà dit concernant moi particulièrement? C'est deux questions. Moi, puis l'Assemblée, si. Nadège particulièrement, non. J'entends seulement qu'elle dit ça aux gens, aux autres. Moi, personnellement, elle n'a jamais rien dit par rapport. Qu'est-ce que tu as entendu qu'elle a dit aux autres? Ah, d'accord. Bon, ce que j'ai entendu qu'elle a dit de toi, c'est que tu es même où? Tu es même où là, que le Seigneur ne vous révèle rien, dans votre assemblée là. Voilà. Non, je ne parle pas par rapport à la mort. La mort, c'est autre chose. Mm-hmm. C'est dans la solution de la mort, quelqu'un, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Oui. Je voulais dire normalement, quand vous vivez, qu'est-ce qu'elle a dit de moi? Non. Elle n'a rien dit. Non, non. Si elle me va, elle m'aime. Elle n'a pas de problème, mais elle respecte. Souvenez-vous de toutes les questions que vous allez poser. Souvenez-vous de toutes les questions que je vais poser. Ce soir, je veux votre attention. Si vous n'avez jamais été attentif, je veux votre attention. D'accord? Donc, je crois que j'ai posé la question par rapport à la mort de ton mari. Si j'ai déjà dit de quoi que ce soit, ou par rapport à cela. C'est ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, maintenant, à l'issue donc de toute cette réunion-là, qu'est-ce que tu as résolu avec ton père? Est-ce que vous, depuis l'enterrement de ton mari, au-delà, vous êtes allé avec, ton père? Est-ce que vous en avez, vous êtes déjà vu? Non. Pourquoi? Moi, c'est pas vu parce que je n'arrivais pas à supporter, à me maîtriser. Mais c'est elle qui est venue, Nadège, qui est venue, c'est Nadège, Nadine. Nadège. C'est Nadège qui est venue te dire qu'on a dit c'est ton père qui a tué, non? Oui. Mais est-ce que tu as conseillé, par exemple, d'aller voir ton père? Oui. Et pourquoi tu ne veux pas voir ton père? Elle m'a conseillé d'aller voir mon père. Je lui ai dit que le moment n'est pas encore arrivé, j'irai. Oui. Mm-hmm. Ok. Est-ce que j'ai dit j'irai? Bon, maintenant c'est bon. Je vais venir sur l'enfant pour poser la question sur l'enfant, mais tous les événements de l'enfant maintenant. Comment es-tu arrivé ici? Bon, tu es d'abord, avant d'arriver à cette question-là, ne dis pas que je te pose trop de questions. Hein. Hein, c'est comment tu quittais d'où pour ici au niveau de cette assemblée? J'étais chez Hervé Mayak. Toujours le même Hervé qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi es-tu quitté là-bas, ma soeur? Je suis quitté là-bas quand je me suis mariée. J'ai pris une semaine, mon mari a voyagé puisque la maison est loin. C'est lui qui m'a accompagné. Tu connais tout ce dont on a parlé. Mm-hmm. Et avec ton épouse, mm-hmm. bien même. Il m'adresse à frère Olivier là. Ton épouse connaît tous ces gens. Donc on va lui tourner vers vous tout à l'heure. Mm-hmm. Alors oui. Donc je me suis mariée, donc mon mari a voyagé pendant une semaine. Oui. Comme c'est lui qui m'accompagnait en moto tout le temps en assemblée. Oui. J'ai dit ok, je prends donc une semaine. Comme ton mari n'était pas là. Oui. Une semaine de retraite. Donc il n'y avait personne pour t'accompagner, comme tu habites loin d'eux. Oui, oui. Il n'y avait personne pour t'accompagner. Oui. Tu as dit ok, tu attends une semaine. Là. Une oui. semaine de je Vous allez les suivre, frère. Je profite parce que je me sentais un peu vide. Oui. Et donc une semaine de retraite dans la chambre. Oui. Je disais, Seigneur, pourquoi je me sens. Pourquoi mon corps pèse pour repartir à Denver? Parce qu'à un moment, je sentais comme si mon corps pesait. Oui. Je posais donc les questions, Seigneur, pourquoi mon corps pèse pour repartir à Denver? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Denver, c'est chez les Indiens. Oui. Je ne sais pas, le quantième jour, j'ai entendu la voix, mais ce qui est sûr, j'ai entendu une voix claire qui m'a dit Iri Chabda. C'est donc comme ça que je dis waouh. Bon, donc ça veut dire que ton mari voyage. Oui. Normalement, c'est ton mari qui te transporte pour cette assemblée-là. Oui. Et une semaine qu'il a voyagé, tu as du mal à partir. Mm-hmm. Tu ne sens pas la lourdeur qui est dans ton corps. Mm-hmm. Toutes ces choses, vous remarquez très bien, je n'entre jamais dans les détails pour savoir comment vous êtes arrivé ici. Mm-hmm. C'est parce que c'est si particulier. Parce que je dis toujours, je n'ai appelé personne. Et je ne retiens personne. Si quelqu'un veut, il vient, il ne vient pas. C'est ce que je dis chaque fois. Je ne retiens personne. Vous êtes venus de différents horizons. Et personne ne dit que vous veniez. Nous sommes d'accord. Maintenant, je vais te poser la question. Donc, ça veut dire que tu fais une semaine à la maison. Tu as pris, Seigneur, pourquoi mon corps pèse pour y aller? Et tu dis que tu entends une voix qui dit que Eli Chabda. Donc, moi, oui. La voix, quand la voix dit Eli Chabda, qu'est-ce que la voix dit d'autre? Rien. Et quelle est la conclusion que tu en as tirée? Je suis resté comme ça, je dis, wow. Vous entendez dehors? Je suis resté, j'étais dépassé, je suis resté longtemps, j'ai dit, Eli Chabda. J'ai d'abord cherché le. Dis à ton épouse de venir s'asseoir ici. J'ai d'abord cherché le nom là. Oui. Après, je me rappelle que j'avais fait un séjour chez les Thérèse. Ah, oui, c'est tout le monde, son nom sort, et c'est elle qui est venue s'asseoir ici. J'ai Merci, fait un Seigneur. Séjour chez les Thérèse. Oui. J'étais toujours à genoux. Donc, le nom sort, Eli Chabda. Tu entends la voix te dire. Oui. Mais là, c'est la voix de qui? Je ne sais pas. Ok. Donc, tu ne sais pas. C'est de Dieu. Moi, c'est lui que. C'est la voix de Dieu. Sur quelle base tu crois que c'est la voix de Dieu? Non, je crois. Que c'était Dieu. Oui. Ok. Et oui, Eli Chabda, allons-y, continuons. Oui, et c'est donc comme ça que je me mets donc à réfléchir. Eli Chabda. Après, il dit, mais. Vous entendez Léon? Mm-hmm. Me dit quelque chose. J'étais chez Thérèse et. Après, j'ai dit, oh, le songe de Thérèse. Parce qu'elle avait fait un songe quand j'étais chez elle. J'avais pris une retraite. Oui. Je suis allé chez eux. C'est la maison qui m'a accueilli. Oui. J'ai pris une retraite. À cet temps-là, tu ne connaissais encore, tu ne connaissais pas ici. Rien. Rien du tout. Mais à cet temps-là. Même qu'un jour, j'étais parti. C'était avant ou après. À l'Opom, c'était après. Avant. J'étais allé à l'Opom. C'était après. Quand tu étais revenu, c'était après. Tu es venu chez nous à l'opéra. Oui, j'étais quand même venu voir un jour. Tu es venu voir les gens qui portent les foulards avec leur kaba. Oui. Oui, le son de l'autre quatre. Donc, lorsque tu... Elle ne m'avait pas donné ton nom, j'ai le temps là, elle ne m'avait pas donné, elle m'avait amené comme ça. Et tu travailles à Denver, entre temps, pendant que tu avais, tu es assidu. Jusqu'à. Tu as fait quel poste là-bas? Assistante. J'étais celle qui arrêtait les gens qui tombaient. Donc tu es le ministère d'arrêt. J'étais caissier. Ministère de la caisse et le ministère d'arrêt. Et je suivais les seins. Et tu étais content. Très content. Et certaines langues disent même que quand toi-même tu te mettais à prêcher comme ça, les choses se passaient. C'était chaud. Il y avait l'esprit qui se manifestait. Maintenant, si tu prêches maintenant, ça va se manifester. Non, si c'est simple, on le laisse prêcher un peu pour voir. C'est pas ça. Si tu prêches, ça s'est passé, n'est-ce pas? Depuis, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'expérimente seulement ça en songe. Dans les établissements. Ah, donc tu prêches dans les établissements, dans les enfants tombent. C'est pas toi qui envoies les chances partout là. Pas prêcher en tant que tel, donc j'arrive, j'exhorte, je conseille. Non, tu conseilles. Je ne parle pas de ça. On n'a pas fermé ta bouche. Je parle des manifestations. Il ne faut pas qu'il y ait de trouble ici là. Je parle des manifestations. C'était langue indiscrète. Dire que quand tu étais là-bas, quand tu prenais le micro, il y a la Bible, tu te mettais devant comme ça là. C'était fort dehors, les gens tombaient. Oui, les manifestations. D'où est-ce que ça venait? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Ou mieux encore, où est-ce que c'est parti? À supposer que c'est le Saint-Esprit. Un esprit impur peut-il chasser le Saint-Esprit? Ou c'est l'inverse? Il est à supposer que c'était le Saint-Esprit. Est-ce qu'un esprit impur, supposons que je sois sataniste, est-ce qu'il peut bloquer ton Saint-Esprit? J'espère que vous comprenez la question. Donc, supposons que c'était le Saint et pas le Saint-Esprit, que tu es vrai ainsi. Et moi, je suis sataniste. Est-ce que je peux bloquer ta part de Saint-Esprit? C'est ça le langage qu'on utilise, que tu attristes mon Saint-Esprit. Et là, ça part de Saint-Esprit. Bon, donc, tu quittes là-bas. Donc, c'est à cause de la voix que tu as entendue dans ta maison qui t'a fait donc chercher qui est Elie Tchabda. Et donc, comment tu as fait l'itinéraire jusqu'à arriver ici? Là où je me suis rappelé du son de Thérèse, j'ai appelé Thérèse. Attends, le songe de Thérèse, son songe disait quoi? Elle avait rêvé que elle m'a vu monter vers toi, ou bien on était ensemble, on montait. Oui. Oui, et que quand je sortais directement de l'assemblée de Denver, il y a eu une inondation. Inondation où? À là-bas à Denver. Donc? Attends, c'est mieux que la personne se trouve là. Voilà. Puisque la personne est là, il faut qu'elle raconte son. Son songe. Elle était enceinte. Il dit qu'elle entre enceinte. Oui, elle est enceinte. Papa taillait toujours pour dire. Vous voyez, c'est enceinte. Oui, oui. C'est le réflexe. Ce sont les enfants qui l'ont injecté. Je vous ai dit ici que quand vous allez à n'importe quel milieu, on fait quelque chose, ça entre en vous, vous ne savez pas. Voici le réflexe. Vous allez remarquer, quand lui-même sera dans la salle de classe, il va faire comme ça là. Les enfants vont être troublés. Vont troubler, ils ne savent pas que le père là, lui-même, c'est un vrai trouble. Viens là, ma chère. Viens. Porte-le. C'est mieux de porter l'enfant pour que ne pas laisser que l'enfant pleure. Donc, c'est que cette soeur de dit, elle dit ça de toi, que tu as rêvé, c'est vrai? Comment tu dis encore oui? Nous sommes dans la vérité. Ou bien tu avais oublié? C'est elle qui a dû raconter que c'est toi, c'est pas elle dont tu parles. Thérèse ici. Oui. J'avais fait un chant par rapport, moi je lui disais... Vous attendez. Au fait, j'avais fait un songe par rapport. C'est qu'elle a dû raconter, laisse par rapport. C'est qu'elle a dû raconter, elle a raconté un songe précisément. Quel est le songe que tu as raconté qui la concernait? Au fait, j'avais fait un songe, je voyais, elle était à Denver. Et Denver chez Hervé là-bas? Oui. Chez Shora là-bas. C'est pas chez Shora. Shora habite lui là en face, laissez son nom tranquille. Là-bas. Chez Hervé, Hervé. Il y avait une grande salle. Oui. Et elle était dedans, on était en train de l'accuser. Et après, elle va regarder la porte, comme pour dire, tu connais la direction. C'est Hervé, elle est dirigeant là-bas. Oui, Hervé est dirigeant là-bas. Donc il a regardé la porte. Il a regardé la porte. Comme pour dire, tu connais la sortie. Qu'elle sort. Qu'elle est sortie. Je voyais seulement comme un film. Et je veux comment elle montait les escaliers. Oui, pour sortir. C'était curieux parce qu'au lieu de sortir. Par la porte principale. De sortir comme ça et partir. Il y avait plutôt, à la sortie, il y avait plutôt une autre porte qui montait les escaliers pour aller au sommet. Oui. Je la voyais donc monter. Et quel est donc le rapport avec ça, avec moi donc? Non, qu'elle est donc montée. Elle avait dehors. Oui. J'étais vue assise là. Je ne sais plus quoi, qui encore était là. Oui. Et j'étais assise. Tu étais là aussi ou là-bas? Oui, oui, j'étais aussi là. Et tout d'un coup, il y a eu comme une inondation. Non, comme un tonnerre, comme oui. Après une pluie. Oui. Il y a les dégâts. On ne sait même pas si quelqu'un va survivre. Oui. Et après, je vois quand le vent est passé. Et tout a écrasé et tout et tout. Tout a écrasé. Quoi a écrasé, ma soeur? Bon, au fait, comme là où tu te trouvais, ça t'a touché là-bas? Non, ça m'a pas touché. Là où elle est venue, ça l'a touché? Non, ça l'a pas touché. Là... où on était? J'étais au là-bas fait... aussi. Oui, tu étais là et quand, au fait, quand il pleut mm-hmm. et quand il y a des violents tonnerres. C'est que la soeur a ça, mais elle sait pas comment elle dit. Elle. Et après ça donc l'automne. Au fait. Je ne savais pas comment... Il y a au moins déjà 4 ça, au fait, tu as dit, mais tu ne dis pas la vraie chose. Donc, ça veut dire que... Après, il y a eu comme il peut avoir peut-être un tremblement de terre. On a compris ça. Ça a renversé quoi? C'est ce qu'il veut comprendre. Au fait, ça a cassé les maisons. Oui. Ça a enlevé. Et là où elle est quittée, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le lieu où elle est quittée pour monter vers les escaliers. C'est là où j'ai dit qu'elle est montée. Oui. C'est tout le bas qui est cassé. Non. Qu'elle est montée, donc, elle était donc placée en haut là. Oui. Et tout d'un coup, je vois comment le vent... Il y a eu une pluie, oui. Comme un tonnerre, oui. Et ça a renversé tout. On ne savait même pas, du genre où on ne sait pas si quelqu'un va survivre, mm-hmm. du genre où c'est quand le vent passe, avant que tu se lèves ta tête pour voir s'il y a un souffle. Donc il y avait ça a laissé sans dessous, il y avait c'était voilà. Malgré. C'est dans où je soulève dans ma tête, je vois que tu étais encore là et elle était là. Oui. Et là maintenant quand tu vois maintenant je suis là, elle était là. Oui. Ça se passe encore, elle est encore chez Hervé. Oui, elle est encore d'Hervé et elle était venue chez moi. C'est là où tu as fait ce songe-là. Oui. Ou bien tu as fait le songe avant qu'elle ne vienne chez toi. Non, elle, quand elle était là. Pour le retraite, la retraite dont tu as parlé là. Oui, et c'est la période où je crois que vous avez appelé parce que vous devez normalement venir là-bas pour un programme. Justement. C'était la période là. Attends, essayez de m'expliquer. Est-ce que je t'ai appelé? Non, où c'est toi qui appelles? Que je devais venir où? À Yaoundé. Attends, ce que vous entendez dire là, ça se passe à Yaoundé. Oui, c'est à Yaoundé. On était encore à Yaoundé. Ok, quand vous habitez à Yaoundé, mm-hmm. Donc ça veut dire que tu as été déplacé des doigts là oui, pour on aller. Elle a fait presque. Attends, il faut qu'il laisse-moi 2 semaines. Mm-hmm. Donc après ton songe, le fait que ton mari ne soit pas là, mm-hmm. après que tu aies entendu cette voix là, mm-hmm. tu n'es plus retourné à Denver. Non. Tu es quitté de là à Yaoundé chez elle. Non. Non, comment? Tout ça était avant. Elle demande à ton mari. Pas donc son mari n'est pas encore mort. On va encore recommencer encore ceci. Au fait, il était quand même dans les parages. Ok. Donc, je sens de comprendre maintenant. Il y a des choses qui s'arrangent. Et vous allez voir que ça va arranger beaucoup de choses ce soir, d'accord? C'est-à-dire que, ben, ça veut dire que son songe est longtemps avant ton songe. Oui. C'est le ciel qui précède. Non, puisque ici elle est mariée, puisque son mari l'accompagne d'abord à Denver. Et ici celle-ci dit que son songe, elle n'est pas encore mariée. Et tu dis, c'est à ce temps-là qu'elle devait venir à Yaoundé pour le programme à Yaoundé. Mais là, on s'était rencontré à Yaoundé. Non, tu n'étais plus venu. Oui, comme je sais faire là. Donc, restons. Merci pour tout cela. Quoi que vous êtes là, vous en êtes suivi, n'est-ce pas? Je suis le seul con ici au milieu qui ne sait pas les choses qui se passent vraiment. Donc, ok, à l'issue, donc on a dit que quel est le son qui vient avant, ça c'est le son qui vient avant. Oui. Ok, ça veut dire que ce son, malgré Ayonde, elle t'a raconté ce son-ci. Oui, tu es rentré à Ayonde, enfin, ça veut dire que normalement, avant de quitter pour aller chez elle, tu étais à Denver. Oui. Ok, donc on va mettre ton son de côté parce que là, on dit que tu n'es pas encore marié. Oui. Donc, après qu'elle ait raconté ce son-ci, tu rentres, tu es toujours à Denver. Toujours. Ok, c'est là maintenant que tu rencontres ton mari. Là-bas. Vous vous mariez. Oui. Et c'est après maintenant que tu as ton son que tu as là. Non, j'ai pas le son, j'étais à genoux. Ok, c'est pas le son, ici c'est la voix que tu as entendue. Oui. Maintenant, je vais revenir, comme vous êtes encore revenu sur ces choses-ci, suivez attentivement. Quelle est la réaction du groupe dans lequel tu t'es trouvé, le groupe de Hervé, par rapport à ton mariage? Il m'a dit que c'était de Dieu, d'abord. Qui? Hervé et certaines personnes. Je veux que tu cites les personnes. Il y a Salomon. Tu le connais, toi? Le frère Salomon. Tu étais un ancien, qui vous connaît? Toi, tu connais Salomon? Oui. Suivez attentivement. Donc, il y a Hervé. Oui. Il y a Salomon. Toi, tu le connais? Mm-hmm. Salomon aussi. Qui ont dit que... Voilà. Il y a encore qui? Qui ont dit que c'était de Dieu. Mais le problème, c'était... Ils m'ont dit que... Comme ils ne savaient pas la date à laquelle ils se sont dit qu'on a commencé 3 mois, on se peut se marier 3 mois. Ils disent qu'il fallait qu'on attende un peu 9 mois. Je leur ai dit qu'on a fait 9 mois. Neuf mois pour faire quoi? Il fallait qu'on attende même un an, 2 ans encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi on se connaisse mieux, on échange plus, un truc comme ça, là, je crois que c'est mais, mais ils t'ont d'abord affirmé que c'était de Dieu. Oui, ils m'ont affirmé. Parce que je suis venu me présenter. Oui. Il a prié, il m'a dit c'est de Dieu. Qui a dit ça? Hervé, oui. Salomon. Ils étaient ensemble. Salomon était, m'a dit ça en aparté. Oui. Hervé m'a dit ça. Si Hervé était passé devant toi, Salomon est passé devant toi, tu répéterais ce que tu en as dit. Je répéterais la même chose. Ok. Ok, et la suite c'est quoi par rapport à lorsqu'ils ont dit comme ça? Excuse-moi d'être rentré là-dessus parce qu'il y avait un creux là qui n'est pas, il ne saisissait pas par rapport à toi. On avait la fin avec la mort de ton époux. Donc on est rentré là-bas parce qu'il y a problème depuis le départ ici. Oui. Donc je suis en train de dire que lorsque il a dit comme ça qu'attend 9 mois, 2 ans ou quelque chose pour que vous connaissiez, quelle était ta réaction? Quelle était la réaction de ton mari? Quelle était la réaction de Hervé? Raconte-nous cela. Attends, le frère qui est devant nous, c'est vous, tu le connais? Non. On arrive. Le frère, c'est connu. Là-bas aussi. Hein, c'est samedi que tu as connu. Oui. Ne t'inquiète pas, tu vas remettre tout à l'heure. Allons-y. Donc, quelle est ta réaction, la réaction de ton époux et leur réaction quand ils t'ont dit ces choses-là? Bon, Hervé lui-même ne me disait rien. Oui. Pratiquement, quand il m'a dit juste, il m'a collé Salomon. En même temps, tu travailles de façon assidue, comme tu travailles davantage toujours là-bas. Non, non, j'étais déjà, comme elle disait l'accusation, j'étais déjà assise. Non, non, non, non, non. Il faut que tu nous dises quelque chose. Oui. Parce que tu ne peux pas commencer à dire comme ça qu'on t'a accusé, on t'a accusé. Puisque tout à l'heure ici, elle a dit qu'elle travaillait bien. Elle avait, quand elle se levait, les gens tombaient. Oui. Elle arrêtait les gens qui tombaient. C'est pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avant que subitement tu es en train d'être accusé? Est-ce que tu es maintenant tranquille? Tu ne te rappelles pas. Comment tu fais les yeux comme ça? Non, la dernière vague. Oui. Vague de quoi? La dernière vague pour laquelle on m'a fait asseoir. Vague? Dans le dernier. On fait asseoir les gens à chaque fois. Hein? Oui, oui, c'était comme ça. Donc quand tu dégamais un peu, on te foutait. Bien quand tu ne mangeais pas comme ils voulaient, on te mettait. Après on te relevait, après on te baisse comment? On te fait asseoir, après on te relève, on te baisse, on te fait asseoir. Ah mais normalement quand tu es souvent debout pour arrêter les gens qui tombent, non? Comment oui. On te fait asseoir, comment? Et on te fait encore, on dit que non. Et que ne touche plus les gens qui tombent. Jusqu'à nouvelle heure, tu es assise. Après on te lève encore, tu te relèves encore. Après on dit encore nouvelle ordre, tu es encore assise. Est-ce que ces conditions ça fait que beaucoup de gens ont quitté là-bas? Oui, beaucoup. Tu connais beaucoup de gens qui ont été frustrés, qui sont quittés là-bas? Beaucoup. Y a-t-il des gens qui ont été, d'une part, appelés par Hervé, sorciers, après avoir dit que cette personne-ci est serviteur de Dieu ou un servant de Dieu? Oui. Combien, par exemple, que tu connais? Oui, tellement. C'est-à-dire que qu'il ouvre sa bouche, il dit que le Seigneur dit que cette personne-ci... Elle est appelée à part de monde, dit qu'il est sorcier, oui. Oui. Mais, je pose donc la question, maintenant, toi... Je ne veux pas que tu l'accuses. Oui. Je veux que tu dises ce que tu sais comme étant la vérité. Mm. S'il dit que celui-ci est de Dieu et que demain il dit qu'il n'est pas de Dieu, qui a raison? Le premier qui a parlé ou le deuxième? Oui. Oui, comment? Je veux que tu réponds. Comment ça, tu ne sais pas? Bon, ok. Initialement, tu étais la vraie, c'est bon, on a prophétisé sur toi, non? Oui. Ah, donne les prophéties. Dis par exemple les prophéties qu'on a prophétisées sur toi. D'abord, attends, j'arrête la pause, le temps que tu fais. Parce qu'elle fait, vous ai-je déjà dit ici que je suis prophète? Non. Ai-je déjà dit ça ici? Non. Vous ai-je déjà dit que je suis prophète? Non. Ok. Vous ai-je déjà dit un jour ici que Shora m'a consacré? Non. Vous ai-je déjà dit ici que je travaille sous Shora d'une façon ou d'une autre? Non. J'ai déjà dit ça. Non, non. Ou mieux, vous avez entendu déjà quelqu'un dire que je travaille pour Shora ou bien sur Shora ou bien je cherche à travailler avec Shora. Non. Les questions que je pose ont leur place. Oui. La question que je t'en ai posée, c'est les prophéties qu'on a faites sur toi, que lui il a fait sur toi. C'était quelles sont les prophéties? Quelles sont les prophéties? Donne-nous un exemple. Un exemple, femme de prière. Que tu es une femme de prière. Femme de feu. Femme de. Femme de foi. Femme de feu. Femme de douleur, habituée à la souffrance. C'est toujours lui qui dit comme ça. Enseignement. Que tu as le don de l'enseignement. Tout ça, tu as enseigné. Le don là est parti maintenant. Bon, maintenant, regarde-moi. Par la suite, après avoir prophétisé ainsi, quelles sont les prophéties contraires? Je suis sorcière. Bon, maintenant, tu choisis quel camp là? Tu es sorcière ou tu es enseignement la foi, don de foi, femme de feu et autre là-bas? Lequel parmi tu es pour faire? Quand il t'a dit que tu es sorcier, ça t'a choqué? Pas vraiment. Ça ne t'a pas choqué? Non, pas donc, tu l'as regardé toujours avec amour comme tu le regardes souvent? Jusqu'à. Donc, même maintenant, je l'ai toujours aimé. Donc. Mais tu penses que pourquoi il t'a appelé sorcier? Tu as mangé qui? Il y avait des comme on m'a écarté. Attends, c'est après avoir écarté qu'on a vu que tu étais sorcier. On m'a écarté près de lui parce que c'était ça le but de m'écarter. Quand tu dis on t'a écarté, qui t'a écarté? Bon, il y a un frère là-bas, le frère Salomon, il m'a dit cache. Oui, le frère Salomon. Là. En face, il m'a dit. Il m'a dit, je sais que tu as très mal. Le Seigneur m'a montré que tu as très mal. C'est lui le Seigneur qui lui a montré. C'est le Seigneur, oui. Oui. Le Seigneur m'a montré que tu as très mal. Mais il fallait que je t'écarte près de d'Hervé, toi, Patrick et Lembe. Lembe, c'est Michel Lembe, celui qui est brun. Oui. Et c'est celui qu'on a envoyé à Bafoussam, il est rentré, on l'a écarté. Effectivement. Laissons sur son cas, c'est toi qui me veux entrer dans le domaine des questions. Oui. Quand il est rentré de Bafoussam, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'aller à Bafoussam, on l'avait envoyé en tant que serviteur de Dieu. Oui. Il est rentré, il est sorcier. Comment ça se passe? Le problème, c'était donc ça. Attends, je vais dire encore une fois de plus. Oui. Pourquoi il y a tout ceci? Tu es serviteur de Dieu, plus demain tu es sorcier. Pourquoi ça, là-bas particulièrement? Et que ça a créé les divisions comme ça? Pourquoi? Justement, parce qu'il y avait un groupe de jeunes filles qui commençaient déjà à prophétiser. Oui. Et... Bon, pendant qu'on y est, ces jeunes filles-là, est-ce qu'elles se trouvent elles-mêmes encore là-bas? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Ça va, ma soeur? Daigne t'asseoir. Comment le faire? Tu pourras faire ton nez comme ça, tu veux aussi parler? Quand je suis arrivé. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Viens. Ma soeur, je vais revenir vers toi bientôt. Tu as dit que, malgré que Hervé t'a dit que tu es sorcier, tu ne l'as pas détesté. Le Dieu du ciel connaît nos cœurs. Si tu dis comme ça que tu l'as détesté, tu auras une compte. C'est pour ça que dès le départ, il commence à dire que si quelqu'un dit quelque chose de vous, comment allez-vous réagir? C'est votre réaction que Dieu attend. On va toujours dire quelque chose de vous. Même si, vous partagez, même si le président Paul Bert décide de partager un milliard, ça va arriver si quelqu'un va dire que vous êtes sûr, le père là, il est là, peut-être qu'on lui a demandé des sang. Il ne prend pas cet argent. C'est pas ça. Même les gens comme moi, on va dire que donne. Il croit quoi de plus. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire, mon frère? Toi-même, tu étais à Denver. Si tu ouvres ton sac encore ici, non, ça sera grave. Dis seulement un peu, d'accord? Le moment venait t'as pas, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as entendu cette soeur-là parler, tu as fait comme ça, là. C'est quoi que tu disais? Non, c'est qu'elle a dit que les dernières filles qui étaient arrivées, oui. C'est qu'elle prophétisait, jetait le feu, et puis elle a posé la question de savoir si elles étaient encore là. Oui. Elle a répondu que non, elles n'étaient plus là. Oui. Et moi-même, j'étais prêt à confirmer parce que quand je suis arrivé là-bas, oui. J'ai rencontré plein de visages de filles qui enseignaient même. Oui. Mais après un moment, je ne les voyais plus. Tu ne te posais pas la question, selon toi? Bon, du moins, je ne savais pas ce qu'il y avait en profondeur. Oui. C'est le jour de la nuit de la traversée. Ils traversent où? Je ne sais pas. Attends. Nous parlons des mêmes personnes, nous parlons des gens qui sont chez Chora. Oui, oui. Et même sont au téléphone. Hervé, en fait. Oui, oui. Donc, oui, Hervé en collaboration avec lui. Non, je parle de Hervé plus non, que ce que je sais. Vais dire. Non, je sais. Oui. Je n'accuse pas Chora. Je veux qu'on comprenne quelque chose. C'est Hervé qui travaille avec Chora. Oui. Qui fait aussi la nuit de traversée. Mais puisque c'est lui qui organise, c'est lui le chef. Non, il n'y a pas de problème. Donc, lui aussi fait la même chose comme les dénominations font là, qui sont censées les dénoncer. Oui. Ok, donc avançons. Donc, pendant que les dénominations sont là, traversées la nuit, eux-mêmes traversent aussi. Oui. Et tu es allé traverser avec eux. Donc, on avait traversé ensemble. Oui, traversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, cette nuit-là, c'est... Ce que tu as envie de raconter là, c'est quelle année? Nous sommes en 2016 maintenant. 2015. Voilà, son aide semblable, elle a... Son aide semblable, je dis que c'est 2015. Oui. Oui, la nuit de la traversée, oui. Oui, la nuit de la traversée. De 2015. De 2015. 2014-2015. Donc ça, c'est le 31 décembre 2014. 31 décembre. Oui. Oui. Parce que c'est vrai, c'est à la veille que moi aussi, j'avais appris que Noël n'était pas une fête biblique. À la veille. Oui. Et quand nous sommes arrivés à la nuit de la traversée, on parlait principalement de la dot. La dot. Comme n'étant pas biblique. Et après cela, Hervé nous a fait comprendre que la plupart des filles qui étaient là, qui enseignaient, oui. avaient l'esprit de Jézabel. Stop. Ça me pose un problème. Qui leur avait d'abord donné l'autorisation de prêcher au peuple là-bas? Je n'en sais rien, puisque j'étais venu aussi recevoir. Tu as seulement trouvé là-bas et tu recevais l'esprit de Jézabel? Non, je venais recevoir l'enseignement, c'est tout. Même si c'était Jézabel qui disait sur le serpent, tu recevais seulement. Il fallait d'abord que je grandisse pour discerner. Ok. Amen. J'aime ça. Grandis pour discerner. Oui. Et puis, quand il a dit que les filles qui étaient là avaient l'esprit de Jézabel... Ça, c'est la nuit du 31 là qu'il a dit oui, ça. Oui, c'est cette nuit-là. Et puis, la même nuit, il les a plutôt... Je pense pas que... Donc, c'était comme... Il y avait comme une impression qu'il les accusait. Et même Non, ne dis pas qu'il y a une impression, c'est l'interprétation. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Cite sa parole pour qu'on laisse le soin aux gens d'interpréter. Bon, du moins... C'est l'impression que tu veux donner à son... Tu veux interpréter sa parole. Bon, du moins, il a dit, voilà, ses paroles. Bon, mais cette nuit-là, est-ce que les jeunes filles étaient là? la nuit du 31, non. Elles étaient là. Non. Donc elle venait, Eve, il parlait d'elle alors qu'elle n'était pas là. Non. Il voulait dire qu'il parlait d'elle, ce 31, alors que cette jeune fille n'était pas là, n'est-ce pas? Non, c'est la plupart d'elles n'étaient pas là. Et quand elle a dit. Celles qui étaient là, ce sont celles qui habitaient dans la maison. Oui, dans la maison. Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il disait, ces jeunes filles-là? Il disait que la Bible, en fait, du moins, il a dit que la Bible ne permettait pas à la femme d'enseigner. Stop. Oui. C'était le 31 décembre 2014 qu'ils ont vu ça dans la Bible. Je ne sais pas, c'est ce jour-là que j'ai écouté ça. Attends, toi-même, tu avais ta Bible, tu n'avais jamais vu ça. Hein? Si, j'avais vu. Et que j'avais même posé la question à celui qui me tenait. Oui, c'est qui te tenait? Et c'est le frère Junior Longo qui me tenait. Moi, c'est... Non, Junior Longo, okay, pas je... Junior Chabda. Ok. Junior Longo. Donc, celui qui était... Donc, tu avais vu ça dans l'écriture. Oui. Entre-temps, lui, il est aussi là-bas avec eux. Non, il n'est plus là. Non, non, non. Je dis, le moment où tu le rencontres, oui. Il est là-bas avec eux. Oui. Il épouse du fait que la femme doit enseigner. Non, il n'épouse pas. Non, non, non. Suis attentivement. Je t'en ai dit ici. Quand tu viens là-bas... Non, je t'en ai raconté la période où tu es là. Oui. Tu viens, tu rencontres dans ta Bible que la femme ne doit pas enseigner. Oui. Tu rencontres Junior qui te tenait. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu lui poses la question. Qu'est-ce qu'il te dit? Je lui pose la question de savoir si la femme doit enseigner. Il m'a répondu qu'il y a une différence entre l'enseignement et l'exhortation. Mais tu as posé la question sur l'enseignement. Et on parle de l'enseignement. Oui. Il a dit oui, quoi? Oui, mais je donne la réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'il y avait une différence entre l'enseignement et l'exhortation. Oui. La femme peut exhorter, oui. Mais elle ne peut pas enseigner. Mm-hmm. Ah, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Oui. Mais ce soir-là, bon, elle... Donc, dans sa parole, il voulait te faire comprendre que ce que les femmes font là-bas, elles n'enseignent pas, elles exhortent. Oui. Mais la soirée, le chef qui est là-bas, Hervé, a plutôt dit... Il a dit que la femme ne doit pas enseigner et que celle qui était là en train d'enseigner depuis... Donc, elle avait venu dire qu'en réalité, elles enseignaient. Mmh, elles enseignaient. Et Junior Longo, lui, il avait dit plutôt qu'elles exhortaient. Oui. Et ils sont dans le même groupe. Oui. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que Junior Longo est là-bas? Non, il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là-bas aussi? Il n'est plus là parce qu'il a remarqué que les frères ne marchaient pas selon la parole. Amen. Merci. Viens t'asseoir. Où est la femme qui était ici? Viens. Frère Olivier, toi également, tu étais là-bas? Tu étais vraiment là-bas, tu étais imprégné, ou bien on t'a envoyé en mais tu n'étais pas imprégné. J'étais un pasteur. Tu étais pasteur. Comme c'est un électron instable, on ne peut pas compter sur lui pour faire briller l'énergie. Oui, mais c'était. Vous savez, les électrons de la couche périphérique là-bas, c'est ça. C'est à la couche périphérique qu'on peut soit perdre les électrons. Quand on perd les électrons, on gagne positivement. D'accord? On parle des cations et les agnons. Est-ce qu'on. C'est les papas, t'as des trucs comme ça à l'école avec cela. Arrête ça, on est là pour le ministère maintenant. Bon, maintenant, je vais aller droit avec toi et sois droit avec moi. Nous sommes ici dans la vérité. Je n'ai même pas encore touché ce qui est là-bas. Parce que vous allez entendre des choses scandaleuses. Des choses scandaleuses. Depuis deux jours, ma femme m'a dit, ma femme, vous savez, ma femme n'aime pas qu'elle fait les erreurs. Quand je me suis tourné, je me suis regardé, c'est mon air semblable. Elle a dit, quand elle a dit, quand elle regardait, je vois sa bouche a fait comme ça. Puisqu'elle sait que les femmes ne parlent pas, elle fait comme ça. Il dit, en un instant, il me dit que qu'est-ce qu'elle a dit raconter là-bas avant qu'il me rende compte que scandaleux, que j'ai dit les choses. On s'en fout si c'est là ou c'est là. Ce n'est pas le problème là-bas. Vous avez compris ce qu'on a dit là-bas? Est-ce que c'est le ce qu'on devait comprendre? Donc, maintenant, ce n'est pas possible. Une raison pour qu'il dit la prochaine fois, il fait encore la même faute. Vu ce qu'on m'a corrigé. Les choses scandaleuses. Donc, je m'excuse si j'ai fait la faute, d'accord? Ça montre qu'il n'y a pas fréquenté comme il se doit. Les choses scandaleuses peuvent arriver au point où ça me pousse à vous détester. Mais je n'ai pas le droit de vous détester. Des choses scandaleuses peuvent arriver au point où ça pousse que moi-même je déteste les gens qui causent ces scandales. Mais je ne dois pas le faire. Parce que le Seigneur a dit malheur, qu'il est impossible qu'il n'arrive pas dans les scandales. Mais malheur par qui cela arrive. Donc, en tant que chrétien, non, vous allez sortir. En tant que chrétien, ce que nous devons faire, c'est que tu fais tout et tout pour que le scandale ne vienne pas de toi. Vous avez suivi, frère? Fais tout et tout. C'est pour cela que toutes ces questions sont en train d'être posées. Parce que ce que vous allez entendre là-bas, c'est vraiment du scandale. Souvenez-vous, je vais mettre, chaque fois qu'il y aura que je vais mettre pause pour que les questions... C'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas vous faire suivre cela pour que ça influence votre réponse. J'ai fait exprès en posant des questions pour que lorsqu'on va suivre là, vous suivez les réponses qui sont dites là-bas. Je n'ai pas encore toujours le cas de l'enfant qui est décédé. C'est qu'on va suivre là-bas que je vais... On va revenir sur le cas de l'enfant qui est décédé. Donc, ma soeur, je vais aller droit avec toi. Combien de fois, je veux qu'on soit droit. Je ne suis pas en train de t'accuser. Ce sont des choses que même si on sait, je dis que même si on sait des choses. Par exemple, la dernière fois, je vous ai dit ici que j'étais en train de prier à 5 avec ma femme et la soeur Adelaide. Dieu m'a montré un frère ici qui est en train de dans un filet, n'est-ce pas? Je suis venu ici, je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas voulu citer la personne. Mais ma femme m'a flatté à la maison, comme elle connaît le style de nourriture que j'aime. Elle a fait le ndolé. Elle a mis sur la table, elle dit, Dis-moi alors, tu avais dit que tu vas me dire ces choses. Je dis que je vais te dire tel moment. J'ai choisi le bon moment pour lui dire. J'ai choisi pour voir dans l'esprit si elle peut supporter. Puis, quand on était au lieu, j'ai dit que c'est telle personne. Elle dit oui, c'est même vrai, puisque le Seigneur m'a montré telle ou telle chose. C'est écrit. C'est écrit. Dieu lui a donné ce privilège-là de savoir certaines choses. N'allez pas la flatter, elle ne dira pas. Elle n'est pas Dilida. Suivez ça, n'est-ce pas? Elle est Sarah. C'est ma Sarah là-bas. Alors maintenant, je suis en train de dire ceci. Donc, à celle-ci, je suis en train de parler pour ça. Soit relax. Toi et moi, on n'a jamais parlé par rapport à ce sujet. Combien de fois ces personnes dans des Denver t'ont appelé pour te questionner à mon sujet et c'est mieux. Viens. Combien de fois t'ont-ils appelé, à combien de reprises t'ont-ils appelé pour te questionner à mon sujet et au sujet de ce qui s'est passé? Je vais revenir sur toi, d'accord, mon cher? Et au revenir, allons-y. Vous savez, elle ne sait pas raconter, elle m'a dit que... En fait. Allons-y. Je crois seulement une fois, je n'étais même pas encore au milieu. Des noms. Des noms ici. Tu étais avec eux? Oui, j'étais avec eux. J'étais là juste après la conférence que je suis faite. Tu étais avec Ndongo. Oui. Bon, voilà. On va revenir sur cette conférence. Après la conférence. Oui. Donc, quand le show était venu, c'est en avril, c'est en avril, quelle année? Toi, tu étais également là-bas, n'est-ce pas, frère Sam? Merci, que Dieu vous bénisse. Qui était ici, qui était à cette conférence? Qui était là? Le dernier jour qu'il a prié. Oui. Qui était là le dernier jour? Je veux seulement les gens qui étaient là le dernier jour. Tu étais là le dernier jour. Tu étais là. Hein? Oui, tu as dit tout à l'heure que tu es instable. Tu étais instable. Donc, frère Sam, tu étais là. Frère quoi? Donc, j'étais là, n'est-ce pas? Comment tu as dit Ndongo? C'est le frère Ndongo. Frère Olivier. Olivier Ndongo. Souvenez-vous, même si quelqu'un dit n'importe quoi de vous, jusqu'à preuve du contraire, il est. Voilà, gardez cela, même si jusqu'à preuve du contraire. Donc, Olivier m'a appelé sorcier, je vous ai dit cela. Vous avez suivi, ça c'est écrit. Le jour où il vient, il dit que frère Junior, vous avez dit qu'il a rencontré, il m'a raconté quelque part, c'est même ici à Macapé, il a dit que frère Junior, j'étais étonné. Enfin, c'est pas son cas aujourd'hui. Mais il était là-bas, j'étais là-bas. On va revenir sur la prière qu'on a faite, d'accord? Qu'on a faite là-bas. Toi, tu vas répéter les mots que Chora avait dit. Toi, tu as dit que tu étais là aussi. Tu vas répéter le mot que Chora avait dit. Non, je crois que l'un de vous va sortir. Il faut aller dehors pour que la parole de l'un n'influence pas l'autre. Pour que quelqu'un ne dise pas qu'il a dit ce que je voulais dire. D'accord? Ce soir, nous sommes vraiment bénis, n'est-ce pas? Donc, oui, qui t'a appelé pour demander quoi que ce soit? En fait, c'est comme moi, je peux dire, c'est comme un piège comme avec ta vie, parce qu'en réalité, ça ne veut même pas ce qui s'est tramé. Oui. Donc, c'est maintenant que tu te rends compte que c'était un piège. Non, c'est après. Que tu t'es rendu compte. Parce que, en ce moment, je préparais mon mariage. Oui. Je me rappelle ce jour, j'étais là où on faisait les biens. Oui. Et ils m'ont appelé. Il qui t'a appelé? En fait, Hervé. Toujours Hervé? Oui. Le chef dont nous parlions ici? Oui. Il t'a appelé? Oui. Il m'a appelé. Oui. Je suis venu trouver une réunion. Oui. Oui, des responsables. Attends, il t'a appelé que tu quittes. Et là, tu as quitté le billet de ton mariage pour aller là-bas. Non, j'étais là où on faisait les billets. Oui, tu étais là au fait, oui. Mmh. Tu étais là où on fait les billets. Mmh. Tu as reçu un coup de fil de la part de Hervé, qui est à Denver, le disciple de Chora. Oui. Il t'a fait venir, il t'a déplacé vers là où il est. Oui, en venant. Là où on fait la réunion. Oui. Ça, c'est avant la conférence ou après la conférence de Chora? C'était après la conférence de Chora. Oui, c'était après. Oui, ok, c'est maintenant, quand tu viens, tu trouves donc les responsables réunis. Mm-hmm. Raconte-nous ce qui se passe. C'est là où... Vous entendez là-bas? Ils le font à soi. Il y a quelqu'un là-bas d'ailleurs. Vas-y. Ils me font à soi et ils me disent... raconte-nous. Attends, tu es avec eux. Oui. Tu ne nous connais pas encore. Mm-hmm. Ils te disent quoi? Raconte-nous. En fait, ils me disent ceci. Oui. Par rapport à Ndongo, parce qu'il y avait la conférence que vous avez organisée à Eden. Ok. Attends d'abord. Donc, ça veut dire que la conférence est passée quand? C'est passé les organisateurs. La conférence est passée avant l'arrivée de Chora. Non, c'est que c'est pas après l'arrivée. C'est que la conférence doit être après Chora. Parce qu'il y a un événement. Non, je me suis dit à celui-ci. Donc c'est après, n'est-ce pas? C'est après. Donc, gardez-vous l'aspect. Dès qu'il quitte ici, on touche le cadre de la conférence. Donc la conférence, le frère Chora vient ici au Cameroun en avril. C'est ça? C'était en avril? En novembre. Et puis, on fait la conférence en? En mars. En mars 2012. La conférence tient lieu à Denver, au cinéma L'Eden, n'est-ce pas? Ok, oui. Dites-nous. il commence, au fait... Donc ça, c'est après, ça, c'est après, attends, ça, c'est après la conférence que nous avons fait à, sur la réforme de l'Église, la réforme finale de l'Église. Gardez le mot final. Ça a encore son sens. C'était pendant la conférence là. Alors, Dongava avait envoyé une invitation là-bas. Alors, Olivier Ndongo, mon frère, Ndongo, oui. avait envoyé une invitation de cette conférence là-bas. Voilà. Oui. Et il était en train de débattre si il faut que les gens de l'Assemblée là aillent à cette conférence. Oui. Mais c'était là le problème. Mm-hmm. Oui. Et Hervé était en train de convaincre l'homme qu'il ne faut pas qu'on aille. Donc il y avait un camp qui était pour que les gens, certaines personnes y vont. Et d'autres camps, Hervé ne voulait pas. Moi, je ne sais pas trop, mais c'est pas la manière dont Hervé parlait, c'était comme s'il y avait opposition, d'autres voulaient partir, d'autres ne voulaient pas. Oui. Oui. Parce qu'il voulait en fait que je confirme que les enseignements de Ndongo n'est pas, du frère Ndongo, oui. n'est pas bien. Biblique. Ok, maintenant. Biblique. Oui, maintenant, je te pose la question avant que tu n'ailles sur ta réponse. Toi, devant eux, as-tu la capacité de dire oui ou non sur l'enseignement de quelqu'un à cet instant-là, est biblique ou pas? Je ne sais pas. Non, non, tu dois savoir. Fait, c'est toi. Je ne sais pas. Non, laisse au fait. Je suis allé dire ceci, n'est-ce pas? Non, non. Non, attends, suis-moi attentivement ce qu'il veut dire. Suis bien la question. Je suis allé dire qu'on voulait éclairer les gens, d'accord? Toi, avant, quand tu sors de ton lieu de mariage, tu viens au devant de tu te tiens debout. Réponds-moi. Combien de fois as-tu lu la Bible entièrement? C'est-à-dire que quand il dit le moment où tu te tiens devant eux, ils sont assis, ils te posent, ils veulent te poser la question. Ils veulent te poser la question. À cet instant-là, tu as déjà lu ta Bible que tu as, au moins une fois totalement. Hein? Et sur cette base-là, es-tu capable de dire que l'enseignement de quelqu'un est biblique ou n'est pas biblique? Non, hein, ma soeur? Non, non. Prenez cet enfant-ci. Oui, j'espère que tu n'es pas dérangé de la question que je suis allé poser. Non, non. Comment tu dis non, non, non, comme ça, là? Ah, regarde les enfants. Donc, ok, maintenant. Donc, tu te tiens là-bas. Quelle est la question que Eva te pose? Je me rappelle plus trop, mais c'était par rapport, comme j'étais là-bas avant avec Ndongo. Ok, parce que tu quittais de l'assemblée de Ndongo. Oui, oui, justement. Et tu es aussi immigré là-bas. Savait qu'on se connaissait. Instable comme lui, comme il est à Chang aussi là. C'était votre secrétaire. Ah, c'était votre secrétaire. Donc voici, c'était l'assistant pasteur de Olivier Ndongo. Olivier Ndongo lui disait que, il disait quoi déjà, que quand on sera à, que vous allez voyager ensemble, quand il arrive quelque part, tu portais la Bible. Ce sont eux. Les gens arrivent comme ça, même Patan était là aussi. Patan, lui ne blague pas, lui prenait tous les cours. Merci frère. Donc voici donc le. Donc vous voyez, il y a encore les gens. Je vous ai dit que les gens nous suivaient ici. Donc si vous blaguez, voici le frère Lagoua vient me donner la feuille suivante. La réforme. Finale. Non, il n'y a pas de. Ah oui, il y a final là-bas. La réforme de l'Église. Entrée libre du 20 au 25 mars 2012 au cinéma Eden. À 16h, sauf le vendredi. Donc c'est écrit. Donc voilà, la date est bien écrite là-bas. Donc c'était le. Du 20 au 25 mars. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Ok. Même ton soutien, t'as pas là-bas. Ah, mais oui, c'est merveilleux. Gardez tout ça, ce sont les preuves. Alors, quelles sont les questions? Donc, ils voulaient exploiter du fait que tu étais chez Ndongo d'abord avant d'être chez eux. Ok, quelles sont les questions que tu as posées, même si tu ne te rappelles pas? Je ne sais plus trop. Mais en fait, ils ne m'ont même pas fait ça. Ils ont utilisé une ruse que moi-même, je ne comprenais pas. Est-ce que normalement, la ruse doit se défendre de le chrétien? Non. Avançons. Et en fait, alors, voici ce qu'elle avait conclu. Oui. Il dit que... Ne me tourne pas. Oui. Tu n'es pas resté bouche bée. Il a dit quelque chose. Tu as dit quelque chose. Que je ne me souviens plus. Tu ne te souviens plus de ce qu'il t'a dit. Tu ne te souviens plus de ce que tu as dit. Bon, je voulais dire que ça tournait autour de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Quel est le but de ta présence? Au fait. Oui, au fait. Moi, je ne savais pas trop, mais quand je suis arrivée, ils ont seulement commencé à me poser la question. Quelle question, par exemple? Que comment, quand j'étais avec Ndongo, par rapport à son enseignement. Vous entendez là-bas? Hein? Au fait. Oui, au fait. Mm-hmm. Par rapport à son enseignement, ça me rappelle plus. Oui. Et tu la réponse que tu leur as donnée, ça les a satisfaits? Mm-hmm. Oui, je crois que Hervé s'est servi de ça pour dire que voilà, vous voyez ce que. Donc, ça veut dire que tu as dit quelque chose qui était contre Ndongo, Olivier. Puisqu'en fait, tu ne peux pas dire le contraire, puisque tu es quitté de chez lui. Ça va, ma soeur. Va t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. La petite histoire, Hervé m'avait appelé la veille de la compagnie. Non, viens aussi, viens. Non, va t'asseoir. Viens, vous tous qui êtes impliqués, venez. Viens, mon cher frère. Non, laisse, il pose la question. Ah, ok. Laisse, il pose la question. Hervé, c'est le même Hervé dont nous parlons. Ouais. Et pour la petite histoire, d'abord, toi-même, tu t'appelles Hervé. Évidemment. Donc, c'est ton homonyme. Ce que tu as voulu raconter, tu es encore avec le frère Olivier Ndongo. Oui, je suis encore le frère. Vous êtes en pleine organisation de conférence. Évidemment. Avec les chaps d'Hervé. Non, première question, je vais poser la question. d'une façon ou d'une autre. Je veux que vous soyez. Il y a des gens ici qui avaient. Bon, pour la, par rapport à la conférence que le frère Vindonga a organisée, qui parmi vous était là? Vous levez la main. Vous qui étiez. Vous qui étiez là? Oui, tu as suivi la conférence. Oui, oui, ok. Donc, voilà, tu étais là-bas, n'est-ce pas? Bon, enfin. Peut-être que vous ne pouvez pas ne pas connaître les dessous de cela. Frère Jimmy, là, calme comme ça, il était là-bas. C'est un évangéliste là-bas. Frère Sam, je recommence encore. Il y a le frère Jimmy qui était impliqué. Toi, tu étais là en ce moment-là. Non, non, non. Tu as dit que tu avais là. Ça, c'est, vous allez m'embrouiller si c'est soit ça fait des événements. Donc, je veux dire ceci, je veux que tu dises devant cette assemblée-ci, est-ce que d'une façon ou d'une autre, j'ai donné 5 francs à la conférence dont nous parlions ici? Non. Vous avez suivi la réponse de cette n'est-ce pas? Je recommence. Je dis bien les réponses, les questions que sont posées ont leur place. Et Dieu merci, les gens pour lesquels ils sont censés répondre sont là. Il dit d'une façon. La question c'est qui? On sait qui était là-bas. Non, non, c'est l'organisation. Tout passait par lui ici. Par lui. Et là maintenant, rappelez-moi si j'oublie. Si j'oublie l'aspect de la conférence par rapport à Nkonsamba, dites seulement ça à la conférence par rapport à Nkonsamba pour que je raconte un événement qui concerne tout ce qu'on a en train de faire aujourd'hui. Donc je dis, est-ce que frère Sam, c'est vous qui êtes des communautés d'organisation? Il dit d'une façon ou d'une autre, que le Dieu du ciel descende lui-même sur la terre. Y a-t-il 5 francs qui n'ont jamais quitté de moi ou bien du ministère que j'ai géré par la grâce du Seigneur pour cette conférence? Non, même pas 5 francs. D'abord, je n'ai jamais posé cette question. Est-ce que le frère Olivier Ndongo s'était fâché par rapport à cela? Oui, il n'était pas. Il ne comprenait pas comment est-ce que, étant l'un impliqué des membres de prédicateurs, prédicateur de la conférence, ton assemblée n'assiste ni financièrement, ni. Je veux dire matériellement, humainement. Oui, parce qu'il fallait la main de... Ouais, ça c'est nous sommes en 2012 quand la conférence s'est passée, aujourd'hui qui pose la question, parce qu'en réalité c'est tout ce qui est dans les citramiers tout autour. Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai dit ceci. Avant que la conférence n'ait lieu, il y a certaines personnes qui sont venues me voir pour me demander mon avis par rapport à ça. Tu étais parmi? Vous l'avez dit? Oui, je t'ai pas. Ok, si tu étais parmi, de toute façon tu seras bien de répondre à cette question. Quand vous êtes venu me voir, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à cette conférence? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, tu avais demandé à ce que, en fait, qu'il n'était pas tant que cette conférence ait lieu. Vous avez suivi? Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Parce que le Seigneur t'avait révélé. Oui. C'est pas ça? Oui, oui. Mm-hmm. C'est parce qu'il ne m'a pas permis d'interroger ma femme. Parce que si j'interroge ma femme, vous pouvez dire que c'est le juge et arbitre. C'est pour ça que je suis obligé de. Et vous êtes tenu de dire la vérité. Parce que vous dites ici, c'est en rester dans les cieux. Parce que si ce témoignage va dans les cieux, chacun de vous ici, vous reprendrez devant les anges ce que vous avez dit ici. Donc, un. Le frère Sam dit que d'une façon ou d'une autre, je n'ai jamais mis 5 francs dans ces conférences. De deux, ils sont venus me consulter parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se tramaient. Même ma propre épouse, j'ai failli avoir des problèmes avec elle à cause de cela. Tu veux parler? Qu'est-ce que j'avais dit? Viens, viens toi aussi, viens. Vous allez me rappeler. Vous savez, ces choses-là, j'ai failli passer là-dessus tout simplement. Qu'est-ce que j'avais dit, mon cher? Quand l'assemblée était ange Raphaël, oui. Tu avais dit que ce n'est pas autant de Dieu qui a commencé à lire. Oui. Mais on s'était posé la question de savoir pourquoi tu t'es allé en Nkonsamba, pourquoi autant de gens. Voilà, donc je profite, comme il a parlé en Nkonsamba, mieux de parler, de Nkonsamba. Donc voici quelqu'un qui était en assemblée quand il disait cela. Il disait que le frère Olivier Ndongo est en train de se précipiter. Et j'ai même dit, je ne sais pas, c'est à l'un de ses membres qu'il est en train de presser les gens pour qu'on donne de l'argent parce qu'en réalité, il y a quelque chose, un ego qui veut se faire montrer. Alors, il me posait, c'est ça mon frère? Il y a des problèmes de tractation à cause de ces finances. Les gens ont donné même de leur argent croyant qu'ils sont réservés pour Dieu. Les mêmes personnes se sont encore retournées contre lui. À la veille de la conférence. Par rapport à cet argent. Donc, celui-ci, il se dit là, quand j'ai dit, c'est pas de Dieu, c'est pas le moment de Dieu, pas que c'est pas de Dieu, ce n'est pas le moment de Dieu. Alors, il me posait la question, pourquoi donc je vais en Nkonsamba avec lui? Va t'asseoir, mais d'ailleurs, raconter ce qui s'est passé en Nkonsamba. Je ne sais pas si la question est finie, Satan peut voir. Vais t'asseoir aussi, frère, si vous pouvez aussi avoir encore des questions, je vais vous dire. Je ne sais pas si jusqu'à ce moment, c'est presque les 2 heures que nous avons passé ensemble, jusqu'à maintenant, vous en avez d'apprendre des choses. Peut-être que vous n'allez pas encore apprendre jusqu'à ce que vous suivez ce qui se passe là-bas. Donc, je suis allé en conférence. Mon épouse me dit, ne va pas à cette conférence. Pourquoi tu sais que ce n'est pas de Dieu? Et tu ne veux pas, pas que ce n'est pas de Dieu, souvenez-vous. Que ce n'est pas le moment de Dieu. C'est différent. J'ai dit, chérie, je vais aller enseigner au peuple de Dieu. Il ne veut pas à la conférence. Je t'avais dit ça, n'est-ce pas? La même chose à toi. La même chose à ma femme, c'est ce qu'il dit. Ça ne peut pas changer. Alors, si le frère Olivier Ndongo était encore quelqu'un qui pouvait venir vers moi parler, les deux choses qu'il avait dit maintenant, il témoignera. Lorsque nous sommes allés en Consamment, c'est moi qui ai proposé qu'on a un endroit, une maman qui peut nous accueillir en Consamment, c'est calme là-bas. lui et moi, on a dormi dans le même lit. Il était dans sa lecture et ses documents pour préparer son ordinateur. Le Dieu du ciel est au courant. J'ai dormi en me reposant. Le Dieu du ciel est au courant. Ah, il t'a dit ça. Il a dit que quoi, frère? Vous entendez là-bas, hein? Pendant que... Vous entendez? Après, ça me parle. Pendant qu'il veillait pour réviser les notes. Oui. Alors, tu dormais. Voilà. Dieu merci. Ah, au moins, il est venu, vous voyez. Donc, pour lui, il croyait peut-être que je ne, suis, peut-être je ne serais pas à la hauteur de la conférence. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il vous a dit dans votre comité d'organisation. Je n'organise pas quelque chose pour Dieu. S'il y a un événement que Dieu veut m'envoyer, il m'envoie, je prêche ce que Dieu aura mis. Si vous avez été à la conférence, vous avez remarqué effectivement que ce que j'avais ma Bible et mon micro. C'est ça, frère. Vous tous qui avez exposé. Je viens, je dépose ma Bible là, je prends le micro, je commence à parler jusqu'à ce que ça finisse. Quand ça finit, je quitte la scène. Mais quand vous écoutez l'audio de cela, vous avez comme l'impression que c'est en train de lire. C'est quand même étrange pour quelqu'un qui, durant la préparation de la conférence, dormait plutôt. Mais qu'est-ce qu'il arrive, lui, qui avait écrit en mettant les choses noires, en soulevant les couleurs hautes? Il est obligé de se tenir au pupitre. S'il a fait pas la Bible, il dit, attendez, je cherche mon bon. Il ne fait pas de tes choses. Lorsque je parle, s'il a dit, arrête, j'arrête là. Même ici, quand il prêche souvent, il vient avancer, il dit, arrête, j'arrête. Je dis, bonne soirée. Pas vrai? Donc, Dieu merci. Je vous ai raconté ce qui s'est passé en Consamba. Lui, il avait lu et moi là-bas. C'est bien comme il est venu te dire. J'ai dit, en Consamba, je n'ai pas lu. Parce que ma femme disait, pourquoi tu vas aller à cette conférence? J'ai dit qu'il m'avait enseigné au peuple de Dieu. Parce que je savais que cette conférence-là devait faire tâche d'huile dans la suite des temps. Quoi? À Eden. Je savais. Vous savez, n'est-ce pas? Je savais qu'il y aurait enregistrement. Que ce n'est pas pour ceux d'ici. J'ai dit dans un instant de cet enseignement là-bas, il dit que vous pouvez parler, vous pouvez prendre ces choses maintenant comme pas de choses, en disant qu'il n'y a pas de monde, mais le Seigneur est à l'œuvre. J'avais dit ça. Hein? Il dit qu'il a commencé avec John Luther, avec Martin Luther, mais plus tard, le réformateur est venu. C'est ce qu'il dit dans cette conférence, n'est-ce pas? C'était à dessein. Ça, c'est en 2012. Et remarquez bien qu'il me tient ici fraîchement, il dit exactement ce qu'il dit là-bas. C'était en 2012. Et j'ai dit ces choses-là. Parce que je savais que la conférence n'était pas destinée pour nous ici. Parce que pour nous ici, nous sommes sur place. Dieu peut utiliser pour faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut faire de telle sorte que les gens qui sont dans le contrôle lointain puissent être touchés et qu'ils réveillent certaines personnes, pour que les personnes commencent à chercher, et qu'ils soient suscités là-bas. Voilà le but pour lequel Dieu m'a permis d'aller dans ces conférences. Donc Dieu merci qu'il est venu, qu'il soit venu te rappeler. Il dit que vous dites là-bas qu'on est à la conférence, on doit se mettre. Mais le problème, c'est que quand il dormait, on se conservait le légume, il s'est levé aussi, il a fait sa part, il mangeait ensemble. Que le Seigneur en soit glorifié. Donc, première chose, je n'ai jamais organisé la conférence. On est d'accord? J'ai été invité à la conférence. J'ai été comme l'un des orateurs qui devait parler à la conférence. Je suis venu, j'ai parlé, ce que j'avais à dire, puis je me suis retiré. N'est-ce pas? Après même la conférence, ça a créé beaucoup de remue dans son ministère et je lui avais dit cela avant. Maintenant, je vais raconter, je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de raconter, mais c'est pour ça qu'il disait que je vais parler d'un consamba. Mettez-moi la relation entre conférence et un consamba. D'accord? Ça, nous sommes en 2012, souvenez-vous de ceci, nous sommes en 2012. Après que venu sur le cas de Chora, le fait que Chora soit venu ici. Souvenez-vous, un, j'ai dit que vous avez affirmé que je n'ai jamais dit que je suis prophète. Deux, vous avez assumé d'une façon ou d'une autre, les seuls cas ou trois ou deux cas que j'ai mentionné le nom de Chora ici, c'est que tu as raconté les visions que j'ai eues de lui concernant quand il venait se raconter ici. Puis parce que j'ai parlé ça pour aller en parallèle par rapport à ce que j'ai vu qu'on l'a attaqué. C'est ça oui ou non? Deuxième fois que j'ai mentionné son cas ici, ce cas, j'ai raconté une histoire que j'ai vu une vision où je tendais la main, les gens tombaient, il y avait les soeurs qui tombaient par rapport à l'habillement des gens qui sont là-bas. C'est ce que j'en ai dit, ça se trouve sur internet, donc ils peuvent vérifier cela. Et par rapport à là où j'ai parlé de l'attaque, j'ai dit que maintenant que ces gens qui sont ici peuvent écouter, maintenant ils disent que c'est le sorcier, c'est un sorcier qui a parlé. Ça va arriver, vous en rendre compte. D'accord? J'ai averti. C'est ça, n'est-ce pas? Vous me suivez? Voilà. C'est fait, c'est mis sur internet. Le message au Cameroun est fait, c'est mis sur internet. Quand l'oiseau est venu me parler à la fenêtre, c'est mis sur internet en disant à la fois Atara sera à l'hôpital, on va le transporter en urgence en Europe. Et il a été transporté en urgence en Europe. Je ne vais pas savoir qui est cet oiseau qui vient me parler, c'est le Seigneur. Le Seigneur parle comme il veut. Je vous ai dit que je suis resté seul à la maison. Enfin, on était seul, il y avait déjà au salon. En plein, j'étais sur le lit le matin à 6h. Un oiseau venait se poser sur la papaye, commençait à me parler de la Côte d'Ivoire et de Alassane Ouattara. Un oiseau. Vous faites les yeux comme ça. Vous avez vu dans votre Bible qu'un grand aigle passe aussi dans le ciel, vous prêchez l'évangile éternel, que repentez-vous sur la terre, malheur à la, par rapport au malheur qui vient d'arriver. Ok, parce que je ne redis même pas de cette écriture. Comme ça, vous dites n'importe quoi, vous le dites. Bon, donc, un, je n'ai pas organisé la conférence. Deux, il dit la conférence pour la réforme finale de l'église. 2, je n'ai jamais, de près ou de loin, matériellement, financièrement, participé à cela. J'étais invité. Nous sommes d'accord sur ça. 3, je n'ai jamais prêché quoi que ce soit d'Eshora ou bien dit qu'il est mon mentor ou dit qu'il m'a consacré. D'une, je n'ai jamais sorti ça de ma bouche. On est d'accord? Je dis, vous serez surpris ce que vous allez entendre. Mais tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous serez surpris. Le cas de l'enfant, j'ai gardé, espérons pas mentionner le cas de l'enfant parce que je veux que vous écoutiez d'abord là-bas pour qu'on se tourne vers la concernée pour écouter ce qui est dit. Vous êtes prêts, frère? Donc, je vais raconter donc, ce qui s'est passé avec Shora. Je sais ce qui s'est passé en toile de fond. Souvenez-vous de Georges Nama. Souvenez-vous de ce qu'il a fait en 2013 par rapport au semence du serpent. Souvenez-vous des témoignages qu'il a essayé de prendre de part et de glaner pour dire que je suis faux. Et en prenant les témoignages, c'est vous ici, que, c'est ici que j'ai mis cette vidéo. J'ai dit que suivez les gens qui sont les témoignages pour savoir si c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes petit ici. S'ils disent ça à des gens qui ne sont pas avertis, ils vont croire, prendre ça pour agent content. Mais vous qui êtes, c'est vous qui connaissez que c'est la vérité, que ce qu'il a dit c'est le mensonge, vous ne pouvez pas croire cela. Mais il aura un effet, raison devant les hommes. Et il a fait l'état que les gens se sont éloignés de moi pour un temps. Éloignés de moi pour un temps. Parce qu'ils ont dit, hein, donc frère, je n'ai enseigné des choses sataniques comme ça. Ils croient que j'ai honte de dire qu'il enseigne cela. J'enseignerai cela. S'il veut, il meurt, ils entrent dans le tombeau, il se réveille encore. Il dit que tu enseignes toujours ça. Il dit oui. Parce qu'il sait qu'il a dit. Je ne suis pas de celui-là qui dit une chose aujourd'hui que le Saint-Esprit a dit que tu es serviteur de Dieu, que tu es femme de feu, tu es femme de ceci, demain tu es démon. Je ne dis pas de ces choses-là. Shora, Shora, laisse Shora tranquille. Le soir, madame, mes concernants. Si c'est mes concernants, viens ici. Viens. Parce que si tu voulais l'accuser, tu ne viens pas, viens ici. Viens ici. C'est le même soir que tu dis qu'on a dit qu'il nous a prié pour nous. Oui. Lui dit. Ben, ce soir, il avait dit, il nous avait appelé pendant après la prêche. Oui. La prédication. Il t'a appelé avec toi et qui? Non, il t'a pas appelé. En, devant il là. A dit, oui. Il a demandé à Eli, au frère d'Eli. De c'est chaud, c'est fraîche. Qui c'est était là ce soir-là? C'est moi. Hé, hey, là maintenant sa bouche sort. Elle est où? Donc tu es venu dehors comme ça, ta bouche sort. Alors que tu t'allais ici au milieu, ta bouche ne sortait pas. Elle dit, c'est moi. Ah. Non, non, attends, frère, ne sois pas pressé. C'est notre nourriture, nous devons manger parce que vous êtes concernés. Je vous fais rire comme ça, mais vous serez choqué de ce que vous allez entendre. Vous serez choqué de ce que vous allez entendre. Ne riez pas parce que on va vous insulter. Ma prière, c'est que vous puissiez prendre la position du Seigneur Jésus. C'est tout ce que je veux de vous. C'est tout ce que je veux de vous. Que si vous entendez n'importe quoi qui vous choque, vous rentrez à la maison, vous priez pour ceux que vous allez entendre là-bas. D'accord? Parce que je vous ai dit, c'est la dernière fois, une persécution viendra. Et il va arriver un moment donné où on ne se rassemblera même plus. Ici. J'ai dit ça, hein? J'ai demandé que vous notiez. On ne peut pas cacher la lumière du Seigneur. On ne peut pas cacher. D'accord? Ce n'est pas parce que les gens vont dire de moi, démon, ceci, ceci, ou bien aller enfermer. L'enfer. Sur la restriction des libertés, vous savez, le moment merveilleux pour l'apôtre Paul de prêcher vrai était quand il était en prison. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc, si les gens croient peut-être que si on m'enferme, ça va faire quelque chose. Vous savez, quand on va m'enfermer, là, c'est les lions qui sont là-bas. Et même, quand on avait enfermé Daniel avec les lions, ils communiaient ensemble, c'est ce qu'on veut le trouver le matin. Pas vrai? Et même si ça arrive jusqu'à la mort, c'est la meilleure des façons pour quitter. Parce que ce qui est arrivé devant là-bas, c'est mieux de ne pas être sur la terre. N'est-ce pas, frère? Ce qui est devant nous, c'est mieux de ne pas être sur la terre. Donc, ce soir-là, Shora a fini de prêcher et puis il nous a appelé. Allons-y. Oui, il a dit que la veille. Il m'a appelé. Que... Oui. Il m'a appelé. Oui. Il appelle le frère Élie. Le frère Élie vient d'Ongo. Qui est d'accord avec ce que le frère Sam a dit? Vous êtes d'accord? Oui. Mais quand même curieux. Ceux qui étaient là-bas, vous êtes d'accord? Oui. Il m'a aussi appelé. Nous sommes venus à trois devant. Oui. Et il a dit que le Seigneur lui est arrivé la veille. Suivez attentivement. Les mots ont leur place. Donc ici c'est la dernière séance que le frère Shora Koto avait dans cette ville-ci, quand il a fait la conférence. Il dit que le Seigneur lui a révélé à la veille que vous êtes les instruments qui ont été choisis, qu'il a choisi pour enseigner la réforme de l'Église, c'est-à-dire que pour apporter la réforme de l'Église dans cette nation. Amen. Oui. Vous avez le message de la réforme, c'était seulement voilà. Porter le message de la réforme à l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans les cieux et sur la terre, ces paroles ne sont jamais entrées en moi et restées. Jamais. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas jamais dit que. Il a dit, parce que je sais qui m'a appelé. Cette soeur-ci a mentionné un nom aujourd'hui. Ne bouge pas. J'ai fait l'apostrophe sur ça. Elle a dit Lembe. J'ai dit Lembe Michel. C'est un frère, il va venir ici un jour, il est brun. Il dit, c'est lui qu'on a envoyé à Bafoussan, puis on l'a ramené, on a dit maintenant qu'il est sorcier. C'est le frère là pour la première fois depuis 2009 qui est prêché, qui est venu me voir. Il a dit, frère, je ne tu prêches quelque chose. Apparemment, vous savez, les gens mangent beaucoup. Je ne mange pas. Il est venu me voir, il a dit que c'est que tu as de prêcher, il y a quelqu'un en France qui a de prêcher la même chose. je ne connaissais pas Internet. Il est venu, il a donné un VCD, un CD de Chora Kweto. C'est la première chose, fois qu'il voit ces choses, il dit waouh. Donc Dieu s'est révélé. En fait, parce que je prêchais, ceux-ci me disaient que j'étais dur. Il disait que j'étais dur, que tu n'as pas de doctrine sorcelle. Mais je n'ai pas. Je m'étais à genoux, je voyais des choses dans la Bible. Après, je viens prêcher cela. Les gens me disent, tous, même, en fait, si Dieu avait donné un verset pour la lapidation pour les chrétiens, c'est eux qui étaient les premiers à me lapider. Alors ils disaient, mais frère, je ne te cherche plus, c'est Dieu ce que tu prêches, c'est différent de ce que les gens sont de prêcher dehors. Un des jours, je me prêchais là-bas, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit a arrêté cette bouche et il a dit, nous ne sommes pas seuls. J'ai tapé là trois fois comme ça, nous ne sommes pas seuls. Bientôt, on va le réveiller, vous allez le voir dehors, ça sera partout. C'est ce qu'il avait dit exactement dans la prédication. Il ne savait pas qu'il tendait de parler. Vous voyez, c'est pas moi qui avais arrêté cette bouche pour parler. Alors, j'ai dit que nous ne sommes pas seuls. Plus tard, donc, Michel, dont cette soeur-ci parlait tout à l'heure, va venir avec ce CD. Là, j'ai dit, waouh. Puis je leur ai dit que je vous avais dit que cette chose-ci, ce sera partout. Parce que je savais qui m'avait dit. Je prends ceci pour dire quoi? Que ce n'est ni à cause de Chora Kweto, ni avec Chora Kweto, que j'ai cru ou bien j'ai commencé à prêcher. Je veux que ça soit clair. Au moins, ça vous saviez. Donc, ce n'est pas sous les influences lointaines ou proches des choses à quoi que j'ai commencé à prêcher. Et justement, son enseignement est venu me trouver dans ce que j'étais en train de faire. Justement, parce que tu m'avais fait savoir qu'en fait, ce que Chora annonce là, oui, c'est des choses que le Seigneur t'a annoncé longtemps quand tu étais au Nigeria, avant même que tu n'aies rien au Cameroun. Voilà, c'est écrit dans le cahier. Voilà. Parce que quand Dieu m'a fait quitter ici pour le Nigeria, je vous ai toujours raconté ça plusieurs fois. Et il m'a dit... Et tu as rendu grâce à Dieu parce que quelqu'un d'autre est venu le faire... Avant que toi, tu ne commences à le passer. Si tu avais commencé à le faire, certainement, personne ne t'aurait écouté. Voilà. Ouais, n'est-ce pas? J'ai rien à dire que vous savez la cour pour savoir ces choses. Vous savez, quand vous dites des choses, vous, tout ce que j'ai dit, gardez. Pour que si quelque chose arrive d'une certaine façon, vous savez que je vous avais dit cela. Alors, j'ai dit, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait sortir de ce pays. Il a dit, je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir de ce pays? Il dit, plusieurs fois, il ne m'a pas répondu. Après, il m'a dit, je t'ai fait pour sortir de ce pays afin que tu vois les abominations qui se commettent dans ce pays en mon nom. Afin que ce qui va commencer dans ton pays, qu'on ne fasse pas la même erreur. Parce que tu fais partie des jeunes gens qui veulent aller dans ces nations pour changer. Non, non. Va prêcher ma parole, je vais habiter sur les terres. Ça, c'est l'un des contenus des messages qui m'a dit. C'est ce que j'avais dit. Donc, je lui dis en sort. Voici ce que le cher Akoto a dit ce jour-là qu'il partait. D'une façon ou d'une autre, je ne suis pas impliqué dans son ministère. D'une façon ou d'une autre. Et d'une façon ou d'une autre, vous n'avez jamais entendu. Jamais, même dans le son. Même la seule fois que j'ai des sons par le concernant, c'est un sujet qui le concerne. Et j'ai fait tout le tout pour qu'il soit au courant de cela. Donc, d'une façon ou d'une autre, même en songe, je n'ai pas dit que je suis avec lui. D'une façon ou d'une autre, je n'ai jamais dit qu'il m'a consacré. D'abord, je n'ai jamais considéré ça comme un acte de consécration. Parce que si ma mère abonnée a dit qu'il voit un manteau de quelque chose comme ça là. J'avais prêché quoi? Tu t'es venu dire ça à l'assemblée. J'ai dit quoi? Rappelle. Tu t'es venu dire à l'assemblée qu'il croit que c'est ce qu'il a dit qu'il va faire de toi, c'est éviter de Dieu. Voilà. Vous voyez, je rends grâce à Dieu que j'ai dit toutes ces choses là. Qu'il croit que c'est ce qu'il a dit là qu'il va faire de moi, c'est éviter de Dieu. Or, maintenant avec le recul, je comprends que quand il voulait faire comme ça, il voulait me présenter devant les siens, afin que les siens aient regard sur moi, croyant que par derrière, il me soumettre à leur groupe. C'est maintenant que ça ne comprend cela. Quelles sont les choses qu'il a encore dites, frère? Non, je pense que c'était la conclusion ce jour. Et puis, je crois que pendant qu'il te prenait comme ça, toi tu étais là, quand mon frère Chola disait comme ça, tu étais là, c'est Sandrine. Et toi, tu avais comment? Tu étais content? Moi, j'étais là seulement pour ramasser les gens qui étaient tombés. Qui sont ces gens-là? Mais voici. Mais voici. Alors maintenant, assieds-toi mon frère. Merci. Alors, c'est frère Chora Kweto qui a établi Hervé là-bas, n'est-ce pas? Ok. Donc, si on comprend très bien, si on admet que Chora Kweto était un authentique apôtre du Seigneur, par conséquent, Dieu lui aurait donné la révélation que c'est Hervé qui est destiné à conduire l'œuvre là-bas. Qui oublie qu'il en est digne. Et par conséquent, quelqu'un ne peut pas œuvrer dans le Seigneur sans le Saint-Esprit. Vous savez cela, dans l'Église. Alors, est-ce le Saint-Esprit qui peut parler au travers d'Hervé que tu es une femme de prière et plus tard une femme sorcière? Ce sont les questions. Là, je ne vous demande pas de répondre. Je suis en train de me poser des questions. Est-ce que ce Chora Kweto, Dieu merci que vous avez cité ce nom et que vous avez cité ce qu'il a dit là. Qui a dit de moi, de toi et de Hervé Ndongo? Que nous sommes des artisans que Dieu a choisi les instruments pour étudier dans ce pays-ci. Est-ce que s'il le dit en tant que serviteur de Dieu, en admettant qu'il soit serviteur authentique de Dieu, est-ce que son disciple que lui il a nommé est habilité à dire maintenant qu'on est des sorciers ou bien que moi je suis sorcier? Non, il dit de ne répondre pas. C'est une question que je me pose. Ce sont des questions que je me pose. Est-ce que la même bouche qui dit aujourd'hui, ou bien, est-ce qu'il me tient aujourd'hui devant Chora Kweto, est-ce qu'il peut se reconnaître devant les paroles que vous avez prononcées maintenant, vous avez dit qu'il a prononcées? Vous pensez qu'il puisse se reconnaître là-dedans? Justin le dit que. Hein? Justin le dit que si par exemple le frère Chouakoti se tient ici maintenant, et que vous le dites que le jour que tu as prié pour le frère Junior et le frère Olivier et moi, voici ce que tu as prononcé. Est-ce que oui ou non il va dire oui, j'accepte cela? Ah oui, vraiment, espérons qu'il va le dire, parce qu'on ne peut pas lui prêter l'attention, n'est-ce pas? Supposons que dit maintenant qu'il n'a jamais dit cela, vous ferez quoi? Bon, il y a deux alternatives, soit il accepte, soit il n'accepte pas. Et dans les deux alternatives, on va entrer plus profond pour sonder. Si le frère sur la côte se met là, il dit qu'il n'avait jamais prononcé ces paroles, vous allez le tenir pour quoi? Pour menteur. Ok. S'il dit qu'il avait dit cela, ça pose un autre problème. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut cesser de ne plus être serviteur de Dieu? Est-ce que, parce que dans la parole prophétique qu'il a donnée, nous sommes les jeunes gens que Dieu a destinés dans cette nation pour nous utiliser. Est-ce que si son disciple vient dire maintenant que nous sommes des sorciers, Dieu a-t-il raté son choix? Ce sont des questions que j'en ai posées. D'accord? Je reviens sur la vision que j'ai eue donc en 2012 pendant que je me posais en Consamba, lors de cette conférence dont nous parlions. Lorsque nous sommes à la conférence, j'ai prié pour cette conférence. Voici la prière que je faisais à Dieu. Seigneur, permets-moi à parler à ton peuple. C'était ma prière. Quand j'étais couché, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de parler à ton peuple. Quand le frère Olivier Ndongo a fait les titres, que tu vas parler de ceci, toi tu vas parler de ceci, et moi je vais parler de ceci, il a donné les titres, j'ai pris ça, j'ai mis dans ma Bible, que toi tu vas parler de l'histoire de l'église selon Dieu, j'ai prié, mis dans ma Bible, Seigneur, permets-moi de parler à ton peuple, c'était ma prière. Je veux donc vous raconter une vision là. Il dit, ceci, mon épouse connaît cela. Je ne sais pas s'il a raconté ça à d'autres personnes, mais c'est ces choses, quand ça concerne quelqu'un qui sait Dieu ou quoi que ce soit, je n'aime pas parler de cela. Mais maintenant, parce que ce cas s'est positionné, je commence à comprendre la vision. C'est en 2012 que ça s'est passé. J'ai constaté dans une vision que Dieu m'a donnée. Il dit, nous sommes ensemble pour préparer la conférence. Et ça, le frère Olivier Ndongo connaît ça parce que quand il me suis levé de la vision, je lui ai raconté ce que j'ai vu. J'ai raconté au frère Olivier Ndongo que voici ce que je viens de voir dans ce songe qui m'a été montré. Après cette conférence, on persécutait les gens. On t'a laissé, c'était moi qui étais la cible. Et quand on m'a laissé la cible, j'ai vu Chorakoto avec ces gens s'approcher de moi, prendre le caillou, me regarder pour m'assommer. C'est ce que j'ai vu. L'avion s'est arrêté. Ça, c'est en 2012. Il dit, frère, il a ri. Frère Olivier Ndongo a ri. J'aurais souhaité qu'il fasse encore, qu'il admette que je suis son frère, qu'il soit là, qu'il dise ce que je lui dis. Il a ri. Et à mon épouse, j'ai raconté cela. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, voici la vision que j'ai eue. Comment se fait-il que nous sommes là pour la conférence? Et les gens, il y a la persécution venant de la part des chrétiens. Et ce groupe s'y sort avec son leader pour venir me persécuter. Ça, c'est en 2012. Quand il dit ça à ma femme m'a parlé que ça veut dire, il dit non, moi je ne suspecte pas, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que je vois cela arriver. C'est une vision, ça doit s'accomplir. Donc c'est en ordre, dans l'ordre des choses que chacun sort de là-bas pour dire n'importe quoi de moi. Je prends seulement, comme je le dis, j'absorbe, j'appuie sur le Seigneur Jésus. Vous me suivez, frère bien-aimé? J'espère que jusqu'ici, vous avez le rendez-vous de ce qui se passe. Mais le plus gros, c'est ce que vous allez écouter. Vous êtes à jeûne, n'est-ce pas? Vous permettez qu'on prenne une pause. Vous prenez de l'eau pour casser le jeûne, pour vous qui êtes à jeûne. Vous prenez de l'énergie avant qu'on avance. Dans la deuxième partie, vous comprenez cela, vous écoutez. On y va? Les femmes servaient de l'eau. On va suivre dans le jeûne. Servez et laissez vraiment tranquille. Ne regardez pas l'heure. On va suivre. On a encore peut-être 2 heures de temps. Ou à moins que vous voulez, on continue samedi. On vient à 16h, on continue. Parce que ceci, je suis obligé de mettre pause chaque fois pour qu'on suive ce qui est dit. Vous choisissez, il est deux, ça a deux états, vous rentrez avec ceci dans votre esprit. Vous choisissez, vous venez samedi, on continue. S'il plaît à Dieu, ou bien on continue ce soir, et juste on finit, parce qu'on ne peut pas continuer sans finir. Si on commence, on va finir. C'est quelque chose qui dure 2 heures de temps. Et si c'est du 2 heures de temps, donc chaque fois je vais arrêter pour expliquer des choses. Donc ça peut aller jusqu'à 5 heures de temps. Si vous savez que ça va créer des problèmes, vous dites qu'on laisse samedi comme ça à 16h. Oui, il faudrait que je... Voilà, comme ce frère a dit, c'est ainsi qu'on va faire. Samedi. Comme il a dit, c'est ainsi qu'on va faire. Samedi, si vous voulez, vous qui avez été ici, si vous voulez, ne venez pas. Si vous voulez, venez. Samedi, donc à 16h déjà, midi 30, vous savez, je suis un sorcier. Mais je reste toujours à la maison. C'est toujours eux qui m'appellent à la radio. Aujourd'hui, ils m'appellent à la radio que, pardon, on a une émission le samedi à 12h30. Tu vas venir. Il dit que, frère, je suis serviteur du Seigneur. Je ne viens pas servir ta radio ni ta personne. Je viens parler au peuple de Dieu. Et puis je lui demande que dans ton émission, Banakane, qui est sur le politicien là, qui t'est passé, comment il va? Il dit que tu l'as traumatisé. Il a invité la prochaine fois, il a dit que qui sera le panéliste? Si c'est encore les gens avec qui on a parlé là, je ne suis plus sur ça. Alléluia. Donc, nous sommes d'accord que samedi, on continue. 16h exactement, et c'est vrai, si je vous mettrai cela ici, 16h. 16 à partir de samedi, d'accord. Lorsque nous serons là samedi, on va le faire. Et souvenez-vous de ceci, je ne ferai pas écouter ça à quelqu'un jusqu'à ce que samedi soit arrivé. Comment, frère? Ça fait quoi? Si on a un rendez-vous, c'est nous qui avons fixé, non? On peut défixer. C'est pas ça, Patagne. Frère, souvenez-vous de ceci. Je veux que vous rentrez avec ces principes dans le cœur. Même si quelqu'un vous persécute, même si quelqu'un dit n'importe quoi de vous, faites attention de dire le mal de cette personne. Faites attention de parler de mal de cette personne. Si ça dépendait de moi, j'aurais souhaité qu'on finisse avec ça ce soir. On finit en faveur. Bon, on va mettre ça juste à un niveau. D'accord. Il dit, si vous avez les clés USB ici, je vais vous en donner, vous continuez à suivre la maison. Je n'ai pas demandé qui a la clé USB. Non, suivez attentivement. Je n'ai pas dit que je vais faire comme ça. Il dit que je vais commencer. Je vais introduire jusqu'à un niveau de développement. Puis à un moment donné, moi je n'ai pas de problème. Je suis servi ma femme. Alors, buvez-le donc dans le silence et puis on continue dans la deuxième partie.